J'avais un peu peur de gêner. De... Ouais, c'est ça. Je voulais pas que ça soit forcé, donc j'ai préféré le prendre moi-même et je me suis dit, allez, voilà. Je m'impose et puis on verra bien. Et puis ils vont disposer. Ah ! Quoi donc ? Tiens, notification. Ah, attends, j'ai pas lu ce que t'as marqué. Forcément, je vais. Moi, j'ai pas vu. Sur Instagram. C'est en direct live. Allez, quasiment. Non, j'irai plus tard. Épisode 29, le dernier avant le fest. Et c'est normal, ça, c'est en... Hey, attends, je vais voir ta photo. C'est la même. Welcome back, Kikas. Ouais. C'est celle-là, t'as vu? Ouais. De retour pour jouer un tour. Enfin, plutôt pour enregistrer l'épisode retour. C'est rigolo. C'est marrant, hein? Ouais. J'approuve. Like. Tu like? Bien joué, Jacques. C'est bon. Bon, on y va? Parce qu'il est en train d'enregistrer, là, en fait. Ah, flirt! C'est pour ça que j'ai bien précisé. Je pensais... Pourquoi t'as pas... Bah, parce que j'ai fini la première. Ah, t'as fini ta tienne. Bah, bravo. Bah, oui. Non, mais il faut tenir. C'est sa première première. Bah, attends, c'est la première première. Je n'ai pas bu d'eau. La première de cet après-midi. J'ai pas encore trinqué avec toi, mais c'est la première de ma journée. Moi aussi. Tiens. Pas le... À la tienne, parcimonie. Ah, bah, à la tienne, ah, bah super. Ah, bah bon. Ah, bon. Quoi ? Et bah, bien... c'est le retour, c'est ça ? C'est ça. Et bon, bah, bienvenue dans cet épisode 30 de la saison 2 de Road to Hellfest. Et je n'ai pas bu, alors je retrinque. Oh putain. C'est marqué à chaque je fois. Je sais bien, je sais on bien. On trinque dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Et on boit. Donc, bienvenue, et donc, c'est l'épisode retour, l'épisode bilan de cette édition 2018, et donc, pour l'occasion, il nous fallait plein d'invités. Voilà. Donc, on a demandé à Joe, on a demandé à Parcimonie, on a demandé à Ben Barbeau, on a demandé à Emmanuel Macron. Ouais. Il n'y a que Parcimonie qui est venue. Voilà. Donc, c'est pas grave, la meilleure est là. C'est ça. Et on va pouvoir en profiter allègrement. Attends, ça, c'était ma deuxième étape. Maintenant... Ah, d'accord. Pour l'édition 2018. Ah voilà. Oui, bien sûr. Pardon. Excusez-nous. Voilà, bravo, on a fait plein de bruits bizarres. Voilà. Bon truc, mais c'est pas là. Et oui, car l'édition 2018 étant terminée, on a bien pris le temps d'y réfléchir, de se poser, de se dire ah, mais alors c'était bien, c'était chouette et. Ça, bah, c'était pas mal. Oh, d'accord, super. Non, voilà, c'était l'épisode 30. Merci le retour. Rendez-vous en septembre-octobre pour voilà, la troisième saison. Pour la suite. Non, alors je pense qu'on est tous d'accord qu'on a passé une super édition. Tout à c'était fait. Comparé à l'année dernière où quand on est revenu, on était un petit peu... Ouais, bon, c'était pas mal. Moi, j'étais fâché, moi, l'année dernière. Ouais, l'année dernière, il était en colère. Ouais. Bob était en... Oh, j'aime pas les gens, j'aime pas la vie. J'aime... Ouais, c'est ça, ouais. Et cette année, tout est pardonné. Mais voilà, tout va bien. C'était le bonheur total pendant 3 jours. C'était un petit peu tellement bien qu'on a eu un petit coup de blues, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, moins c'est que vrai. D'hab, mais... Bah parce que c'était trop bien. Donc ouais. En fait, c'était plus dans la oh, fin oui. De quelque chose. C'est ça. C'est partir pour mieux revenir. Exactement. Certains n'ont pas encore retiré leur bracelet pour cause de ah tu l'as retiré, ça et j'ai même trouvé la faille pour le retirer sans le... Moi aussi, je l'ai mis dans un étau et j'ai fermé. Non, j'ai tiré sans rien, comme ça. D'accord. J'ai trouvé une faille pour... C'est pas bien. Bah, moi, je l'ai gardé encore. J'arrive pas à l'enlever. Bah non, mais c'est, ça peut arriver. Donc du coup, on va revenir... En détail, plus ou moins, sur cette édition. Ouais, d'accord. T'es d'accord ? Ouais, bah après, je suis... Ouais, donc pas surtout, mais... Je vais juste vous résumer un petit peu, la préparation de l'émission de ce soir. C'était il y a 2 heures. J'ai envoyé un SMS à Bob et je lui ai dit « On fait quoi pour le programme de ce soir ?» Il m'a répondu « Free ». Je lui ai dit « Ah, on fait rien ?» Il me dit « On n'en a pas vraiment discuté ou au pire, tu viens plus tôt pour qu'on le fasse ?» Voilà, c'est comme ça que se prépare un épisode, 2 heures avant. Voilà, on voit. Devant une pizza et de la bière. On a à peu près préparé le truc. C'est ça. On peut dire. Donc ce que je propose, c'est que je vais reprendre les quelques chiffres qui ont été donnés pour un communiqué idée, de l'organisation. Donc le Hellfest s'est déroulé le 22, 23, 24 juin 2018 dans la ville de Clisson, quelque part en France. Parce que c'est dans l'ouest. Ah oh oui, donc toi, France. Tu veux carrément situer. Bah vas-y, les coordonnées GPS, tant que tu y es. Eh bah écoute, dans le prochain, Non, d'accord. Voilà. Donc, plus de 200 000 festivaliers, presse, VIP, mécènes, invités, 75% d'hommes avec une moyenne d'âge de 35 ans. En moyenne, chaque festivalier aura dépensé 400 euros sur les 3 jours et 100 euros dans les commerces locaux. Un peu moins pour ma part. L'organisation du Hellfest emploie 13 salariés permanents et 4000 bénévoles, mais aussi 900 salariés intermittents, agents de sécurité, secouristes, etc. Qui est un métier vachement difficile. Ce sont 159 groupes qui ont joué sur les scènes officielles et 30 groupes au Leclerc de Clisson, soit au total 220 groupes sur 3 jours dans le cadre du festival. 1730 artistes et techniciens ont été accueillis. Au total, plus de 1200 journalistes et 450 médias différents ont couvert l'événement, y compris nous, un petit peu... Ouais, on est dedans. C'est impressionnant. Ouais, mais on est dedans. C'est impressionnant. Non, on est dedans. Mais c'est bien, non, mais justement, c'est impressionnant. Bon, on est dedans. Le budget total s'élève à 23 millions d'euros, dont 99,5% de recettes propres et 48 millions d'euros de flux financiers. Ce qui fait beaucoup trop pour, j'imagine... Ouais, pareil. Là. D'autres anecdotes ? Deux points. Ouais, ah, c'est oui. Pas faux. Il a fallu 6 jours de montage pour les main stage, 2 main stage de 18 mètres d'ouverture chacune et 40 camions de groupe sur le week-end. Ça en fait, dans un défilé de camions de groupe. 40 camions de groupe pour 159 groupes. Bon. Bah si, ouais. Ça fait beaucoup de camionnettes. Ouais, c'est ça. 15 000 litres de fuel ont été consommés pendant le week-end pour alimenter les main stage et 30 000 litres de fuel en tout consommés sur le festival. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de consommateurs de fuel. On n'en parle pas souvent, mais... Bah écoute, en général, oui, c'est un peu les gens de l'ombre. Hein, c'est ça, ouais. C'est un peu les gens qui ont honte dans leur... Ils se mettent c'est ça, côté, ils se mettent derrière, et du coup... Le fuel. Voilà, c'est ça. 392 500 litres de bière et 17 000 litres de vin ont été consommés par les festivaliers grâce à 4 km de conduite de bière. On a battu un record. Encore une fois. Bravo. Et c'est la suite de ça qu'on doit rouler à 80. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Hein. Il y avait une hésitation. Ah, s'ils battent encore leur corps, on est obligé de mettre à 80. Parce que mec, c'est un peu de notre faute. Alors, désolé. Hein. Près de 200 tonnes de déchets ont été triées, valorisées, recyclées. Verre, carton, emballage, bois, compost. Voilà. Bravo. Quelque part, festival bio. Exact. Ouais. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que j'étais. J'en parlais maintenant, après tout. Oui. J'ai été faire un petit tour au festival de Beauregard hier pour voir At The Driving, essentiellement. J'étais voir que At The Driving. Le mec assume pas. Ah, il et assume pas qu'il était voir Big Flo et Oli. Exactement. Après... Ouh, big... non. Non. À un moment donné où je me suis rendu aux toilettes, c'était des toilettes en plastique. Et une festivalière lambda est venue m'accoster. Sûrement qu'elle a dû voir en moi le charisme d'un homme. Et qu'elle m'a dit, c'est quand même dingue qu'on soit encore avec des toilettes en plastique alors qu'il y a des toilettes sèches dans tous les autres festivals et que c'est beaucoup mieux. Je lui ai dit, c'est vrai. Elle me dit, parce que quand même, vous, là, les mecs, ça pue grave. Hein. Mais bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le Hellfest, pas trop ce genre de problème parce que... C'était nickel, franchement. C'est vrai. Non, c'est top. Plus de 400 000 litres de bière vendus sans compter le camping. Voilà. C'était... Ça fait que les gens ont un peu... Un peu chaud. Bah oui, il fait chaud, en fait. Chaud. Voilà. Donc voilà pour les chiffres de retour. On reviendra, bien sûr... tout au long de cet épisode sur différents chiffres, différents moments qui ont su ponctuer le festival. Mais commençons tout d'abord par l'arrivée et le jeudi. On l'a déjà dit, hein, on l'a répété... Moult fois, on l'a dit, le jeudi, c'est dangereux. On arrive... Et boum. On se détend. Voilà, c'est ça. On se pose. On le stress de la route, voilà, tout ça. On pose stress de la sac. Vie. Voilà. Après avoir fait un peu la queue, certains ont fait la queue très longtemps, n'est-ce pas, parcimonie ? Ouais, on a fait la queue 3 heures, je crois. Ouais. Sans bière, c'était triste, sans bière. Ouais, bah, à un moment, on avait très soif quand même. Je peux comprendre. Moi, je me souviens, pour la petite histoire, c'est qu'il y a un mec qui était complètement bourré, qui m'a proposé de porter mon sac. Ouais. Puis je lui dis bah non, il me dit bah pourquoi, je te connais pas, tu vas me voler mon sac, bah arrête, allez. Il m'a pris une poignée, on l'a porté à deux jusqu'au bout, le mec était déchiré. Excellent. Et arrivé au bout, il me dit ouais, j'ai des copains, je vais sûrement les retrouver. Il était là depuis 2-3 jours, mais il était raide. Du coup, ça m'a un peu aidé. Le mec était sympa sinon. Hein, mais... Ouais, bah ouais. Sympa. Ouais, ouais, ouais. Mais non, je voulais pas lui donner mon sac. Non, mais non. Bah oui. Attends. Imagine, il court 5 mètres, il trébuche, il se casse la gueule. Bah oui, là je le retrouve et que je Je lui dis, allez, ça va, mec, relève-toi. Ah oui, voilà. Là, tu veux une bière. Donc, jeudi soir, on l'a dit, on se détend, on se pose, on essaye de profiter. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, il y en a un qui sombre, qui tombe et qui fait rire. Vous vous dites, Bob? Hein? Eh bien, non. Vous vous dites, pas Joe? Pas cette année. Joe, comme l'année dernière. Voilà. Eh bien, non. Parcimonie. Oh, non. Quand même pas. Non. Donc, voilà. Bah, non, cette année, personne n'est tombé. Ça s'est plutôt bien passé. Petit ange, parti trop vite. Putain, j'en fous pas. Ah bah comme je dis. Voilà, c'est ça. Mais oui, je dis, c'est moi qui ai sombré. Moi qui suis la raison, normalement. Moi qui suis le mec sérieux. C'est ça. Qui suis là toujours en train de dire, hey, fais gaffe, mec. Tu... Et là, voilà. Donc, plus que jamais, je suis victime des succès que j'ai moi-même essayé de prodiguer à tous mes pères. Et... Voilà, n'oubliez jamais, je dis, c'est... C'est traître. C'est traître. Mmh. Dangereux. Du coup, je vais donc devoir laisser Bob et Parcimonie raconter la suite du jeudi, vu que bah, moi, j'étais fatigué. J'ai fait une intolérance au Brescola, saloperie de caramel sucré. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai... Alors, il n'y a pas eu que ça, hein, le non. jeudi. Il n'y a pas non, eu non. que Jack tombant non, non, au bien champ d'honneur. Tu es tombé assez tard, quand même. Hein. Bah, je ne sais pas, je ne suis pas... Ah, quand choc, même, tard. Ah, ah ouais. Si, non, je il commençait à faire nuit. Il était tard. C'est bon, alors. Ouais. C'était un ah, bon, coup, d'accord. Un coup de 10 heures. 10h, t'aurais dit. Moi j'aurais dit plus tard. Bah, il commence à faire nuit à 10h, non? Bah, en fait, ça dépend à quelle heure on est vraiment arrivé, parce que je m'en rends plus mais compte. Mais je crois que non, il était plus tard que ça, parce qu'on a eu du mal, à... on n'arrivait pas à trouver à manger. Donc ça veut dire que. Non, on a d'abord été un peu au Metal Corner. On a voir récupéré. Full Throttle Baby. Ouais, c'était pas mal, on ouais. en a pas eu beaucoup, mais c'était vachement bien. J'ai perdu mes lunettes. D'ailleurs, si quelqu'un retrouve mes lunettes, ouais. c'est gentil. Ah, tu peux les retrouver, hein. Sûr, il y a ouais, un carton cassé, de, je ouais. pense, cassé, ouais, ouais. piétiné. Carton de choses retrouvées, à mon avis. Mais du coup, on a récupéré le grand verre au Metal Corner. Un verre qui n'est pas fifou. Non. Non, pas... non, ils ont fait mieux. On a quand même oublié de dire, c'est que dès le début, on est tombé sur une sœur de métal. Tout à fait. On est tombé sur Stéphanie, voilà. qui a passé un peu une grande partie du week-end avec nous. Mm-hmm. Une culteuse, c'est comme ça qu'on... Qu'on peut la nommer. Qui nous a donc fourni en verre du culte. Voilà. Et nous la remercions chaleureusement. Gentil, ouais. Donc, maintenant, bon, c'est une sœur de métal. Elle aurait bien aimé être là ce soir, hein, je pense, comme... Elle nous a fourni en Carlsberg aussi. Elle nous a fourni en Carlsberg, qu'on a repris pour l'occasion. Voilà. À, hein. à ta santé, Steph. Hey. À la tienne. À la tienne. Faut boire, du coup, si t'as la tienne. Sinon, ah, merde, c'est vrai. Ben, moi, j'ai une... Mais elle ne le sait pas, ça. Si vous ne le dites pas, ça. Mais ça si, c'est une Carlsberg, ça. Oui, c'est vrai. Ça a été l'une des premières rencontres. Après, c'est la seule rencontre qui reste avec nous la plupart du week-end. Oui, voilà. Ouais. Après, on est tombé sur, autour de nous, pas mal de gens sympathiques. Ouais. Ah ouais. Bon, j'ai fait un petit listing par ordre d'apparition chronologique. Ah bah, je t'en prie. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait Steph dans la queue pour attendre... Au Easy Camp. Un peu plus tard, si je ne me trompe pas, on a vu Simon. Ouais. Qui nous a gentiment demandé si voilà si on pouvait être pris en photo. Ce qu'on a fait. Hein. On racontera ça plus tard peut-être. Bah non. Non. Bah parce que si on le raconte. Le mensonge du. Ah bah non. Oui mais si on le raconte, les gens peuvent savoir. Ah tu veux que les gens ils savent pas. Bah non. Nous sachons. Exactement. Il y a une manipulation de l'image. Voilà. Mais c'est tout ce que vous saurez. Voilà. Vous ne le sachoir pas. Voilà. Ensuite il y a eu je crois Laurent qui était derrière nous. Le soir. C'est vrai. Ouais. Oui, il n'est pas arrivé après. On n'est pas d'abord. Bah, je me demande si Laurent n'était pas là le jeudi soir. Non. On est tombé d'abord sur sa copine Stéphanie, qui n'est pas la même Stéphanie. Ouais, mais et moi, Pierre-Yves. J'étais. Ah, et bah, moi, t'as moi c'est pas. Avec eux aussi, toi, je crois. Non, c'est toi beaucoup qui a parlé avec c'est eux. C'est moi beaucoup. Ouais. Okay. Tu te rappelles de ça? Ah, bah oui. C'est là que tu commences à flotter. Mais non, mais je me souviens de tout. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. Si, hein. Et après, j'ai eu un petit coup de fatigue, ça arrive, parce que je suis resté en plein soleil. Et puis, ouais, c'est ça. T'avais pas mis ta casquette, ta petite crème solaire. Exactement. On avait pas mis le parasol. Non. Du coup, après, donc il y a eu Laurent, festivalier très sympa. Ouais. Salut Laurent. Et après, bah, je pense que c'est tout pour le jeudi. Pour le jeudi, c'est tout, ouais. Je crois. Ouais. Ce qui est déjà pas mal, ça a bien rempli notre première soirée. C'était sympa. Ouais. Et du coup, vous, après être retourné faire un tour à El City Square, et vous avez vu des trucs ou pas? Bah ouais, j'ai vu plein de choses en double, c'était sympa. Ah, il y avait deux scènes. Je voyais les mêmes gens deux fois. L'un à côté de l'autre. Putain, c'est quoi ça? C'est un numéro. C'est vrai, je sais pas. C'est un festival de jumeaux. Non, bah après on a été se balader le soir, on a été refaire un concert au Metal Corner. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Moi non plus. Je crois que j'étais bien. Et bon, ensuite, il y aurait moyen de retrouver, hein. Oui, je pense. Au niveau de l'heure, ouais, je pense. Ouais. Et ensuite, bah ouais, on était faire un petit tour sur le Hell City Square de nuit. C'était charmant tout plein. D'accord. Petite balade main dans la main au clair de lune. Et pendant ce temps-là, Joe était en train de se faire des amis au coin détente du Easy Camp pour essayer de passer un bon moment. Exactement. Donc du coup, ça, on peut dire que c'était pour le jeudi soir. Oui, voilà. On va dire le pré-fest. Tout à fait. Donc le lendemain matin, 8h30, tout le monde debout. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Grosso modo. Ouais, c'est ça. Frais comme des gardons. Hein. Ah bah certains plus que d'autres. Petit passage à la douche. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Et décollage vers... Midi. Non. C'est quoi, non mais... Ah non. 11h, si je me trompe pas. Non. Non. Non, moi je vous arrête. Vas-y, remets-nous. On est parti plus tôt que ça. Bon, et tu fais du bruit. Oui, je suis sonnant. Et non, parce qu'on a vu Tribuchant. J'ai quand même vu la fin de... On a vu la fin de Dracwald. Donc, il était avant 11h. Oh, mais bien, ouais. Mais oui. Non, moi, j'étais vraiment debout à 8h30. Hein, donc, je sais. Et toi, t'as réussi à te lever pile poil au dernier moment. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on a quand même commencé la journée par un des groupes que nous voulions voir. Ou tu voulais voir Fang, je ne sais plus. Non. Après, j'avais pas trop d'envie sur ce coup-là. Mais bon, Dracwald, ça. Voilà. Ça s'est bien fait. Ça s'est très bien fait. Voilà. Est-ce qu'on est-ce qu'on repart sur tous les groupes qu'on a vus et oui, on fait ça? Oh bah après, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus une masse de groupes, donc c'est fort possible qu'on puisse revenir dessus. Très bien. Donc Dracwald, c'était une des surprises qu'on a découvert en préparant tout au long de cette saison. Voilà. Et qu'on a vraiment apprécié. Puis mais en live, ça marche grave. Mmh. C'était très très bien. Ouais. On a enchaîné aussitôt avec Mosh Generator. Ouais. Qui était aussi excellent. Ouais, en main stage encore. À la fraîche, il y avait encore... On fait ça à la fin, on fait ça le pendant ou... Ah bah ouais, non, tu peux peut-être le faire... Au fur et à mesure. Ouais, peut-être au fur et à mesure, c'est pas mal. Pendant que tu cherches, je vais juste rajouter. Par contre, en fait, le gros point noir de cette année, je pense, après vous me confirmerez ou pas pour moi... Bien sûr, vas-y. Ça a été en fait la file d'attente au merch, qui justement, dès qu'on est arrivé, était déjà bientôt impressionnante. Et c'était n'importe quoi. Qui s'est pas du tout arrêté, à part... Le moi, soir j'ai... tard. Je crois, ouais, bah, je sais que ça fait partie d'habitude d'un truc obligé, un passage obligé. Tous les ans, vous achetez un truc et tout ça. Et cette année, vous avez fait. On a fait l'impasse sur ce coup-là. Hein. Je dirais qu'on préférait pas faire la queue et se dire on verra ça plus tard. En fait, on est passé à côté en fait, tout simplement. On n'a pas pris de moment pour le faire en fin de journée et du coup voilà quoi, on n'a pas fait. Quand on est arrivé, la queue allait jusqu'à la cathédrale. Ouais, déjà ça commençait là. Je sais que notre ami Julien, grand fan du podcast, est arrivé à l'entrée à 10h et il avait fini à midi. Donc il a eu ses trucs à midi. Ouais. Fini à midi quand qu'on l'a croisé justement c'est à Spermberg qu'on a dû le croiser, je crois. Et il venait de sortir quoi. Ah ouais. Donc Après c'est un choix. Mais vraiment par contre ça n'a pas du tout diminué au long de la journée quoi, c'était vraiment tout le temps. Moi je sais que j'ai pu faire un passage rapide le samedi soir vers 10h30 11h parce qu'il y avait plus grand monde. J'ai eu un coup de bol, je suis passé entre deux, j'y suis allé mais c'était voilà. Okay. Après, on aurait pu le faire, c'est juste qu'on avait autre chose à faire. Parce qu'il y a des fois où il n'y avait pas grand monde, mais on avait envie de profiter du festival. Voilà, je pense qu'on y reviendra aussi, mais c'est que cette année, ça a été un truc où il y avait tellement de choses partout qu'il fallait faire des choix à des moments donnés. Et que... Il y a même certains moments où le choix était d'aller se poser un peu pour. Donc, Mosh Generator, tu as quelque chose à ajouter sur ce concert? Sur ce concert, non. Moi, j'ai adoré Mosh Generator. Oui. J'étais vraiment venu pour les voir. Et du coup, je me suis permis de leur demander un petit peu leur avis. Un peu tard. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de gens à qui tu as demandé un peu tard. Moi aussi. La plupart des gens à qui j'ai demandé un peu tard, c'est dommage parce que quelques personnes m'ont répondu. Mmh. Et entre autres, Mosh Generator m'a répondu. En me disant, ce fut un honneur absolu d'être invité à revenir jouer dans l'un des plus grands festivals rock, une étape importante dans notre carrière. Voilà. grosso merde. Je leur demandais pas non plus de me faire une interview complète, je leur demandais un mot ou une phrase. Ils ont joué le jeu comme quelques autres. Ouais, donc voilà. c'est très cool de leur part. C'est très cool. Sympa, ouais. Et c'est vrai que c'était un plutôt bon concert, sympathique, très, très bien. De bon matin. Bah, dès le premier concert du vendredi, vraiment, quoi, en entier. Ah bah, on l'a... Top. Ouais, ouais. On est resté en entier. Hein, ouais, bonne énergie, le batteur était déchaîné. Ouais, je me souviens. On a enchaîné derrière avec la Main Stage 2, derrière avec Bukowski, qui a été, il me semble, pour votre part, une bonne surprise, alors que moi j'avais annoncé. J'avais dit, allez voir, c'est bien. Nous, ouais. On s'est un petit peu éloigné en fait. Ah oui ? Ouais, vous on êtes s'est légèrement éloigné. On était entre le, on va dire, aux trois quarts de la scène, entre plus près du bar en fait. Et du nouveau bar. Posé, du nouveau bar. Ouais, et on s'est posé sur la gauche, tranquillou. Et, on était avec Joe d'ailleurs. En fait, on commençait à partir. Et quand on a entendu Bukowski commencer, on s'est dit, oh, c'est pas mal, on va rester. Donc du coup, on a bifurqué sur la gauche et on s'est posé tranquillou, en profitant des écrans géants. Donc, voilà. Des écrans géants vraiment d'une très très bonne qualité. Hein, ouais. Qui permettent vraiment, avec quelques bugs de temps en temps. Oui, c'est assez normal. D'ailleurs, ils ont viré les décors qu'il y avait autour. Je sais pas si t'as remarqué. Les trucs en couleur et tout ça. Ouais, les trucs de pirates, là, ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Ils ont tout viré. Hein. Maintenant, c'est plus sobre et je trouve ça. Mais je crois qu'ils sont plus grands aussi, en fait. Ouais, je crois qu'ils sont plus grands aussi. Ouais. Non, ça, c'est vrai. D'ailleurs, donc, je le disais il y a deux secondes, mais effectivement, cette année, il y a eu quelques nouveautés sur le site. Donc, déjà des écrans qui ont l'air plus grands, mais ça, on n'a pas forcément vérifié. Et en face des main stage, un nouveau bar. Un grand double bar fait vraiment tout le tour et qui est décoré, comme d'habitude, par Monique Lamouche, avec des super décorations et un très agréable bar qui est bien placé, ce qui surplombe un petit peu. Ouais. Donc, tu as moyen d'apprécier les concerts. Tu as le son entre deux aussi. Ouais. Okay, qui est juste au milieu. Ouais. Et au-dessus, d'ailleurs, il y a une espèce de grande boule qui fait de la fumée tout au long de la journée, et le soir, qui crache encore plus du feu. Comme à l'habitude du Hellfest. Exact. Donc Bukowski, moi j'avais déjà annoncé que j'aimais bien, mais toi lors de ta chronique, tu n'avais pas trouvé ça fifou. Ouais, mais voilà, c'est toujours pareil. Tu en vois live sur scène, c'est toujours la même chose. Sympa, ouais. C'est soit t'aimes bien, soit t'es déçu, ou voilà. Ou... Mais là, non, j'ai bien aimé la prestation. Tout en sachant, petit détail, que le bassiste de Bukowski est le chanteur de Full Throttle Baby. Voilà. Ça, c'est un petit peu à annoncer. On a enchaîné ensuite, ensemble, vers la Warzone, pour voir Spambird, qui était encore un très bon concert. Ouais. C'est là où on a fait, où Julien a réussi à nous retrouver. Ouais. Donc on a pu boire une bière à sa compagnie. Il m'en a payé une. Voilà. Et moi, que dalle. Salaud, ça se paiera. Ouais, non, mais c'est normal, ça se paiera. Je suis d'accord. Moi, il m'a dit clairement, je t'en paye une, comme ça, tu arrêteras de me prendre la tête avec ça. Ça me va. Moi, je veux pas. Je veux pas être. Moi, il les cache. Voilà. Du coup, après, on a été se poser un petit peu dans le royaume du Muscadet pour boire cette bière un peu au calme. J'avoue que j'avais un petit coup de mou à ce moment-là. Pourquoi ? Il était quelle heure ? Il était... C'était après Spambird. Ouais, donc il était vers 13h. Une heure moins le quart. Ouais, non, mais j'avais faim. La petite faim. Ouais. C'est ça, j'avais faim. Normal. Donc, on s'est un petit peu remis de nos émotions du jeudi. Après, on a été voir Hard On, qui était une... Très dansant. Ouais, qui était assez aussi une bonne surprise parce que c'est vraiment un groupe surprenant. Bah ouais, parce que inclassifiable en fait. Le groupe est tape dans tout. Ouais. Voilà, il s'arrête à rien. Musicalement, c'est assez déroutant. Très. Tu t'attends à du punk et puis en fait, non, après ça part un peu. Même le chanteur est déroutant. Ah, il est très déroutant le chanteur. C'est excellent, justement. Ah non, mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Sa façon de danser et tout sur scène, c'était assez chelou, quoi. Ouais. Puis la banane. Et puis ouais, les mecs vraiment contents d'être là. Ah ouais, c'est clair. Et par contre, c'est vrai que je me souviens, moi, quand j'avais fait la chronique, en fait, j'avais un peu de mal à me positionner parce que justement, musicalement, j'arrivais pas trop à voir. Mais en live, en fait, le fait que ça soit tellement large, ça passe. C'est cool, quoi. Ensuite, après, je sais pas, vous me direz s'il y a eu des changements. On a été voir Benic Ted. Mm-hmm. Yes. Qui était très très bien aussi, hein, avec un chanteur pieds nus, un mec. Ouais. Des gens en colère quand même. Hein. Ouais. Des gens qui avaient. Mais il a expliqué pourquoi il chantait pieds nus. Je pense que tous les gens qui ont vu le reportage qu'il y a eu sur 70 000 tonnes de métal. Moi, je l'ai pas vu. Donc. Donc en fait, il explique que s'il joue pieds nus, c'est pour ressentir les vibrations des basses sur au niveau de son corps qui vient directement, tu vois, de la scène, et pour libérer son instinct primal. De meurtrier. D'accord. Voilà. Et il expliquait aussi toutes ses façons de chanter, qui étaient c'était plutôt intéressant d'ailleurs, parce que c'était sympa à voir. D'accord. Ouais. Mais parce qu'on pense Benighted en fait. Exactement, Benighted. Et donc du coup, en plus, c'est intéressant parce que c'est encore une des découvertes françaises de cette année. Ouais. Et qui donc, comme tu le disais, a fait les 70 000 tonnes de métal, la Mais fameuse ton... croisière. Zach. Voilà. Après, moi, je suis parti voir 7-8. Vous étiez là aussi ou pas? 7-8. Qu'est-ce qu'on a fait nous après? Je ne sais plus. Il y avait Nordjewel, Rostatu. On n'a pas vu Rostatu parce qu'on entendait le loin. Si je me rappelle bien, on était posé tranquille, on entendait Chris Slade de loin. Ouais. Ouais. Et après, on est parti pendant que Rostatu commençait. D'accord. Après, je crois qu'on a été, on a été graillés, nous. Ouais. Donc, vous n'avez pas été voir 7-8? Je crois pas, non. D'accord. Alors moi, bah, très bon concert hein, de ce groupe, du retour de ce groupe de punk à roulettes. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est le premier groupe qui me l'a fait cette année, mais ça va le faire avec 2-3 autres groupes. C'est un peu le retour des anciens, cette édition 2018. Et du coup, à un moment donné, je me souviens que je me suis fait la réflexion vendredi matin de me dire justement, mais putain, je suis fatigué, je commence à accuser le poids des années. Et en fait, je voyais le mec sur scène qui, eux aussi, commençaient à accuser le poids des années. Donc, t'es pas tout seul, mec. Voilà, mais en fait, voilà, ça vieillit. Ça suit un peu les chiffres qu'on avait tout à l'heure. C'est de comme se dire tout, là, on vieillit ensemble. Hein. C'est ça. Mais que la moyenne d'âge, elle est quand même de 35 ans. Donc, c'est cohérent. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est des anciens groupes qu'on voit aujourd'hui. Et 7-8, c'est un groupe un peu déjà ancien, mais qui a quand même bien, bien assuré. C'était très sympa avec leur punk à roulettes, comme tu sais si bien le dire. Ouais, ça va. Hein. Non, c'est pas une critique. Ouais. Donc, dans ta bouche, c'est bizarre. Oui, toujours. Tout ce qui va dans ma bouche. Ouais. Donc, tout ce qui en sort aussi. Hey, t'as vu la stories. Ouais. Du coup, très bon concert en Warzone. Et je sais que moi, après, j'ai barré 3 lignes donc parce que j'étais retourné au camp. Oh, je sais même plus, moi. Donc, j'ai ni vu Converge, Origine, Bongzilla. Bah, attends, parce que je sais que je voulais voir Meshuga. Bah, non, parce que Meshuga, exact, on était au camp. Bah, ouais. Donc, je pense qu'on a dû se retrouver là-bas. On a fait une première pause pour bah, justement venir travailler. Donc, on s'est retrouvés. On a dit alors, t'as vu quoi? T'as vu ça? On a échangé. On a fait le média. Ouais, quoi, c'était plus t'as bu quoi? Bah, j'ai bu ça. Non, on avait travaillé. On a travaillé, ouais. Voilà. Et donc, une petite pause histoire de se remettre bien et repartir plus fort que jamais. Oh. Mais complètement. C'est ça. Alors, je tiens juste à préciser que je suis un peu déçu d'avoir loupé Joan Jett et... Non, je sais que... d'avoir loupé Saor, principalement, parce que c'était un groupe que j'aurais bien aimé voir. C'est vrai, et que je l'avais dit. Que j'avais trouvé assez planant. Mais notre voisine de tante de derrière nous, Stéphanie, alors pas notre sœur de métal, l'autre, vous suivez, hein. Parce qu'il y a plusieurs Stéphanie, donc c'est pas ça. Il y a plusieurs personnes. Stéphanie. Voilà. Du coup, elle a vu Saor, elle nous a dit que c'était très bien, mais un peu moins planant que sur CD. Okay. Voilà. Et bah, Meshuga, je suis déçu, mais pas trop. Je me rends compte que je suis pas trop déçu. Donc ça. Après, vous, est-ce que vous avez raté des trucs? Bah, nous, on a raté Meshuga. On était au camp pendant Meshuga. Ouais. Et vous êtes déçu donc? Bah, de Meshuga, ouais. C'est parce qu'ils auraient pu attendre qu'on arrive quand même. C'est vrai. Ah, voilà. De ce côté-là. Voilà. Et du coup, nous sommes revenus pour voir Search of Misery, mais. Il restait un tout petit peu de temps sur Uncommon Men from Mars. Exact. Et c'est là que Jack, le meilleur pour se déplacer en festival, a dit « On peut le faire !» Et on a traversé tout le fest pour aller voir 4 morceaux d'Uncommon Men from Mars. Encore une fois, des mecs qui ont aussi un peu vieilli, mais qui sont toujours capables de faire bouger la Warzone. Et c'était excellent. Ouais. J'ai même revu le replay sur Internet. Top. Ouais. Et c'est après qu'on est parti en courant. Voilà, et que j'ai encore réussi à vous emmener à temps pour voir Search of Misery. Il se la pète quand même pas mal. Bah, à cette heure-là, je pouvais. Oui, c'est clair. Là, je pouvais. Là, bah, je m'étais posé. Il avait mangé, il s'était posé, il n'avait pas trop bu. Non, j'étais en mode d'eau. Exactement, j'avais réhydraté le bonhomme. Et alors donc, que nous, un peu moins. C'est ça. Ça allait quand même. Ah, ça allait, non, bah, on a traversé tout le Kingdom of Muscadet en courant, donc... En marchant. Hein? Ah, moi, je marche. Hein. Ah, bah, on a vu 2 personnes, on a fait « Hey, wow !» Ils nous ont arrêtés comme ça. « Hey, ça va, toi ?»« Ouais, on n'a pas le temps, faut qu'on y aille. » Qu'est-ce que vous arrêtez? Bah, si. Des gens. Ah bon? Tu sais, des gens. Et on courait, on faisait des espèces de... On se cachait, tu te rappelles pas? Ah, te rappelle pas de ça. On a traversé tout le Kingdom of Muscadet en courant. On courait? Ah, oui. On courait, oui, très vite même. Bon, on courait, on sautait, on se cachait. Peut-être, oui. On faisait Altaïr, tu sais. Ah, ouais. Eh ben, très bien. Ah, t'as aucun. Bah, tu vois, comme quoi, t'étais pas aussi bien que ça. Hein. Si. Ah, ben, je m'en souviens complètement, bien sûr. Ouais, c'est ça. Alors, Search of Misery. Donc, petite déception de votre part, il me semble. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus lourd que ce que j'avais écouté en album. Mais vraiment, après, c'est peut-être le choix des morceaux. Déjà, c'est... on était mal placés. Et le fait qu'on soit très près des basses. Ouais, bah oui. Voilà. Ah, c'était, bah, surtout que le bassiste, il était très présent. Hein, donc, oui. Voilà. C'est du doom, très très doom. Hein, voilà. C'était... Donc, je pense que j'étais pas bien placée. Et donc, du coup, c'était trop violent pour moi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je me suis reculée un petit peu et j'ai vachement plus apprécié derrière. On était au niveau des crash barrières à droite, juste devant les enceintes de basses. Et du coup, ça nous dépulpait les nichons. Ah, bah là, oui. Mais j'ai beaucoup aimé, moi, la prestation du groupe malgré ça. Surtout le bassiste qui avait une manière de tenir sa basse qui était surréaliste. Ouais. On dirait qu'elle tenait pas, en fait. Et qu'il la portait juste à la bout de bras à chaque fois. Et il faisait plein de gestes. Il y en a qui disaient que le chanteur en faisait un peu des caisses. Je trouve un peu, ouais. Il en rajoutait un petit peu pour se donner un style. Mais à côté de ça, j'ai bien aimé le concert. Ah ouais, une fois éloigné, ça a été, ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment bien placer. C'est le début, en fait. C'est les deux premiers morceaux où on était vraiment au niveau des crash barrières. Du coup, ça ne l'a pas fait, quoi. Du coup, par la suite, après, moi, j'ai foncé voir Solstafir, que je voulais voir. Et vous avez dû aller voir les Zwinkels, je crois. Où vous êtes parti à droite. On a vu un peu les Zwinkels, donc je sais plus, on a dû aller se boire un coup. Ouais. Et on a dû voir les trois derniers morceaux des Zwinkels. D'accord. Parce que moi j'ai été faire 2-3 photos à Solstafir. J'ai beaucoup attendu. Donc j'ai vu pas mal du concert du coup à attendre. Ouais. Et c'était comme en CD, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais justement à ce que ça soit beaucoup moins vivant, parce que la musique de Solstafir, c'est un peu long à démarrer. Ouais. Et en fait, non, ça marche très très bien. Et à la fin, je suis sorti juste pour jeter un œil à Hollywood Vampire. On a fait Solstafir, tu dis, toi. Non, on a fait Solstafir. Ah bon ? Mais oui. Je ne te rappelle pas. Ah si, on a fait au moins 4-5 morceaux, moi j'aimais bien. Ça devait être la bière de trop. Ouais, moi je trouvais ça pas mal. Et justement, on était vachement bien placés. C'était carrément planant, enfin, j'ai adoré. On était à gauche. Ouais, on était à gauche. Ah bah oui, si, je le vois. Ah, Zach. C'était bien. Bah du coup c'était bien. Mais oui, c'était vachement bien. Mais oui. En sortant, je me souviens avoir... On a vu tellement qu'il y a un moment... Je me souviens m'être arrêté sur Hollywood Vampire, le groupe un peu polémique, j'ai envie de vous dire. Donc j'avais regardé un peu la reprise de Heroes de David Bowie. Eh mais oui, mais on était ensemble. Non, c'est pas possible. Bah si, on a entendu la même chose et tu m'as dit, ah bah c'est pas terrible. Oui, mais on devait pas être ensemble, moi je suis arrivé sur le dernier morceau des Zwinkels. Donc moi je suis sûr que si, parce que on a entendu le même morceau des Vampire. On peut l'avoir entendu sur cet ensemble. On était ensemble. Après, tu m'as dit mais c'est quoi cette horreur ou je sais plus quoi. Mais je te l'ai dit après. Pour moi de mémoire, je l'ai dit après. Pendant. On s'est retrouvé après. Ouais, on s'est retrouvé après. On s'est retrouvé sur. Pour moi, on s'est retrouvé à la Warzone au niveau des Zwinkels. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah non, j'ai pas du tout aimé la version de Hollywood Vampire, mais apparemment le groupe a bien plu à tout le monde. Johnny a assuré tout ça. Voilà. Tant mieux pour vous. Bravo, Johnny. Et donc, les Zwinkels, moi, je suis arrivé sur le dernier morceau. Donc, vous avez vu deux morceaux. Ouais, on a vu deux ou trois, ouais, je sais plus. Bon, on est tombé sur Réveille le Punk, hein, forcément. Ouais. Et donc, et Hellfest, je crois. Ouais, donc on a entendu Hellfest et Réveille le Punk. Et après, ça fait toujours plaisir, tu danses. Mais ouais, et puis du coup, de manière, la Warzone était passe, acquise. Hein, voilà, donc, complètement. En live, ça passait bien. C'est non très très efficace le petit Gérard Bast et ses copains. C'est vite dans l'ambiance, ça a été. Ouais. Je suis pas fan en CD, mais bon, après aller voir sur scène, il y a l'ambiance qui fait que aussi forcément ça aide. Ça, mais de manière en fait, je pense que c'est un peu ce qui nous a marqué cette année, à part vraiment 2-3 exceptions, mais on a vraiment vu des concerts de qualité. Je sais pas d'où ça venait, parce que justement l'année dernière on avait un petit peu ce côté frustration d'avoir des concerts un peu moins bof, alors que là cette année on a vraiment vu des trucs chouettes et même des trucs improbables, comme les Zwinkels, avec nos a priori, bien sûr, d'avant, en se disant, c'est pas pour moi, et pourtant, tu peux passer un bon moment. Est-ce que c'est Il faut y être. Ouais. C'est ça l'idée, quoi. Oui, mais l'année dernière, il y a quand même des concerts où tu y étais, et c'était pas ouf. Donc c'est pour ça que c'est... Par exemple, oui, moi, j'ai un exemple qui me reste, c'est Primus. Et Primus, franchement, déjà, les gens qui slament sur Primus, je crois que j'ai entendu un mec se plaindre aussi, dire... on slame pas sur du black metal, c'est le même principe. Tu slames pas sur Primus, quoi. Mis à part peut-être éventuellement quelques morceaux qui peuvent être un petit peu plus bougeants, mais c'est plus un groupe que t'écoutes et t'apprécies la musique, tu regardes le show. C'est pas festif, quoi. C'était slam sur slam sur slam, donc à la fin, ça te gâche ton concert, quoi. Ouais, mais après, ça c'est vrai que c'est une partie du public, mais. Ça peut marcher dans l'autre sens, par rapport justement aux Zwinkels. Vous voyez que le public était complètement à la cause du truc, qu'importe. Ah ouais, non, mais bien sûr. Donc ça, c'était. Et moi, je sentais pas non plus les Claypool trop présents aussi, quoi. Ouais. Voilà, donc il y avait un petit peu de tout, quoi. Et il y a peut-être aussi un mauvais choix de chanson pour Primus. Peut-être aussi, ouais. Ce que j'ai pas trouvé justement sur différents groupes qui étaient pas là pour. On en reviendra, je pense qu'on t'en reparlait de certains trucs, mais il y avait vraiment. C'était toujours adapté, en fait. Ouais. Ah oui, donc, ça s'adapte au festival en lui-même. Donc après. Ouais. Après la fin, ou alors non, attends, ou si ça se trouve, c'est après la fin des Zwinkels qu'on a vu Heroes de Hollywood Vampire et que c'est pour ça qu'on était ensemble. Ah, alors tu vois, peut-être. Et c'est là qu'on a essayé. Moi, je sens le truc que c'était en direct live que tu m'as dit, ouais, bah, Léon, c'est quoi cette. Je ne sais plus quoi. Et du coup, et ben après, on a été manger, boire un coup, et on a été. Dans mon regard. On a été voir le début de. Le début de Stone. Oh, dis donc. Le début de Stone Sour, qui a été un peu une surprise pour moi parce que j'étais pas du tout chaud pour aller les voir. Et en fait, de loin, de ce qu'on a vu, j'ai trouvé ça hyper sympa. Corey, il était il est content ultra ravi d'être là. Voilà, Corey, il avait le sourire, mais alors jusqu'au. Ouais, et puis même la déco scénique, elle était hyper simple mais efficace, ouais, je trouvais. Ouais. Ça marchait pas mal. Et puis. Il remplissait la scène, quoi. Il était présent, il bougeait. Non, c'était pas mal. Bon, après, on a bougé ensemble, ça je me souviens, sur Bad Religion. On s'est placé assez tôt. Ouais. On s'est mal placé, d'ailleurs. Très mal placé. Ouais, mal placé. Mais ça, c'était parce qu'on a été au chiottes en haut, et du coup. Ouais, mais normalement, c'était un petit peu notre père l'année dernière. Oui. On avait vu pas mal de concerts en hauteur, on était bien. On était un peu à la sortie. Donc, on était un entre deux un peu bâtard. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, très très bon concert hein, de Bad Religion qui eux aussi ont pris un petit coup de vieux. Ouais. Donc c'est pour ça que ça ressort un peu dans pas mal de groupes, je trouve, cette année. Mais je sais plus, j'ai vu de. Il ressemble à un prof d'histoire géo, je sais pas quoi. C'est moi ou le chanteur de Bad Religion ressemble de plus en plus à un prof d'histoire géo. Il y en a pas mal comme ça qui ont l'air d'être des profs. Hein. Seven Eight, il ressemble aussi un peu à un prof. Hein. Ouais. Ouais, donc très bon concert. Les mecs ont quand même toujours bien sûr la patate et tout ça. On a enchaîné après avec Corrosion of Conformity. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on a quand même pas mal évité les main stage. Hein. Donc, Corrosion, là, c'était la fête à la fumée. Là. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Les mecs se sont dit non, on rentre pas avant que ce soit. Avant qu'on voit. Complètement. C'était n'importe quoi. Vraiment, il y en a assez. J'ai pas compris parce que Corrosion, pourtant, c'est pas un bonzilla encore. Je comprendrais. Ouais, mais là. Mais Corrosion. C'était. Ah, bah, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais. Après, moi, je dois parler en tant que mec qui a essayé de faire des photos. Voilà. C'était une catastrophe. Je comprends. Encore, j'ai fait la queue, donc je voyais la fumée partir. J'ai dit, peut-être que je vais passer au bon moment. Je crois que le pire qu'on ait fait, c'est Nicole Ivery. Ouais, en termes de même moi, je voyais pas le concert. Bah ouais, non, mais et pourtant, on était quasiment au crash barrière. Ah ouais, mais là, je voyais quasiment pas la scène. Quoi. Après, le show de Corrosion était excellent. Ouais, c'était très bien. Corrosion, je pense. Une valeur sûre. Une valeur sûre, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, après, on s'est séparés à ce moment-là, je crois. Ouais, adieu. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai été voir Rise Again. Et j'ai dû voir. J'ai été voir Rise Again après. Et vous, je ne sais pas où vous êtes partis. Rise Again aussi, parce qu'on n'a pas vu. Moi, je voulais voir Perfect Circle et je ne l'ai pas vu. Vous avez vu Rise Again en entier ? Et je pense. Oh la vache. C'est un moment, la fin. On a fini sur. Ouais, moi, je sais que j'ai vu en entier, je suis resté sur le côté. Et j'ai même vu le bassiste de Bukowski qui était sur le côté, dans le pit photo. Il regardait le concert en disant putain, les mecs, assurent. Il était vraiment. Ouais. Pas mal. Okay. Et c'est vrai que Rise Again m'a assez surpris parce que scéniquement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, aussi carré. Quoi. Le chanteur est assez charismatique en fait. Et pour le style de musique que c'est, quand même du punk, assez. Je veux dire, assez facile, mais musicalement, ça reste un peu assez facile. Et franchement, et puis, je retiens cette phrase merveilleuse qu'il a dit en disant, à cette heure-là, les gens qui sont là, c'est le meilleur horaire pour passer parce que les gens qui sont là, ils sont là pour nous. Ils ne sont pas venus voir d'autres groupes avant. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de nous voir. Ouais, et je retiens ça en me disant, c'est pas fou. Ça... Et donc après, petit retour au camping classique, après une bonne journée. Et je ne sais pas si vous, il y a des choses que vous avez regretté ou que vous avez manqué. Perfect Circle, moi j'aurais bien aimé voir un petit peu. Ouais. Meshuggah, j'aurais bien aimé les voir. Mmh. Ouais. Meshuggah et le premier groupe que vous avez été voir. Dracwald. Ouais, j'aurais bien aimé les voir et on arrivait trop tard en fait, on faisait la queue. Donc, on était ensemble, c'est pour ça. C'est pour ça. Exact. Et Europe, Judas Priest, non Non. Ah, si, Europe. T'as vu Europe Ah oui, mais Europe. Non, ils étaient là cette année. Mais bah, Shuga, je connais pas suffisamment pour vraiment avoir un regret, donc je sais pas trop. Bah, moi, c'est en fait un peu une découverte cette année, parce que je connaissais vraiment deux noms, mais. Musicalement, mais bon, je les ai découverts et j'ai plutôt bien accroché. Mais après, des fois, bah, on peut pas. On peut non, pas c'était une bonne journée, franchement. Bah, c'est déjà une première bonne journée avec, des, ouais, avec des bons concerts. Et en fait, ça a été aussi le moyen de se rendre compte que bah, on peut pas tout voir, vraiment pas tout voir. Du bah coup, non. Et que les concerts étant tellement bien, on a moins papillonné. Enfin, moi, je sais que j'ai moins papillonné que l'année dernière et que je suis resté à regarder beaucoup plus de concerts parce que je kiffais le moment. Quoi. Magique, il devrait faire des pauses. Entre les concerts ? Ouais. Il bah, y a déjà beaucoup de Allez, concerts. Allez, vous promenez et revenez plus tard. Non, mais on avait un concept sinon, c'est on commence à, qu'à partir de midi et demi. Tu vois, oh, tu parles d'un concept. Et tu fais une journée de plus. Ouais. Pourquoi ? Oh non, c'est triste, je trouve. Bah, non, j'aime bien le matin. Non, j'aime bien les concerts le matin. Ah, le matin, c'est quand cool. Quand tu te réveilles, ouais, que tu commences à entendre la musique, les balances dedans. Et tout, que t'entends. Ah ouais. J'aime bien ça. Et une ambiance de dingue, je trouve, moi, le matin. C'est vrai que ça te met dans l'ambiance, je suis d'accord. Donc samedi, vendredi soir, rien de spécial, je crois qu'on a été réseau. Ouais, tranquillou. Ah, ou alors c'est là que t'as été... Ouais, non, si, vendredi soir, c'est là où on a fait la connaissance de certaines personnes au coin des tentes. Mais on n'en parlera pas. Oh putain, remets. Bah c'est là où il y avait les gens que t'as discuté, que je suis venu te rejoindre. Et j'ai fait, Le Suisse était très sympa. Ouais, mais bon, sur 75 personnes, c'est dur d'en garder qu'une. Voilà, c'est ça. Non, mais ça parlait beaucoup de la même chose. Alors du coup, c'était un peu gonflant. Ils parlaient beaucoup entre eux. Oui, non, voilà, ça, c'était pas ouf dingo. Il y avait une Écossaise, ouais, plutôt désagréable. Donc du coup... Ouais, mais ça, tout de suite après, ça accuse les Écossaises. Non, j'adore les Écossais. Du coup, samedi matin, et ben là, c'est un fail. On a raté la première vague de concerts, dont Redemption, que j'aurais bien aimé voir pour le côté voir ce que ça donnait en live. Mais Joe, qui a été, nous a dit que c'était très émouvant, parce que dès le début du concert, ils se sont enlacés, le père et les deux fils. Normal. Et après, ils ont commencé le concert, et c'était très bien. Donc, de la part de Joe, c'était très bien. Okay. Joe, quand même, qui était de bonheur, hein, ce samedi-là. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Donc, on est arrivé pour la deuxième vague, à savoir, moi, j'ai pu jeter un œil à Pensée Nocturne. Vous étiez en train de faire la queue pour rentrer ensemble. Moi, j'étais passé. Ah oui, c'est vrai, t'étais rentré avec moi. Moi, j'ai loupé Black Rainbows. Du coup. Et c'était bien Pensée Nocturne, du coup ? Je suis arrivé, ouais. Et toi, Pensée Nocturne, c'était le groupe de black metal français, mais qui est très malsain, même visuellement. Ils ont des looks très particuliers. Et en fait, je voulais voir ce que ça donne en live, parce que. Je voulais voir si ça tenait la route. Et en fait, ça marche plutôt bien parce que le chanteur est hyper, hyper charismatique dans son style, en fait. Son style de côté un peu clown, malsain. J'ai vu des photos, je crois. Ouais, ouais, et c'est très, très bien passé. Okay. Du coup, ça, par contre, j'ai dû louper Incendiary, un petit regret. Et j'ai aussi loupé Breed Machine, qui est un groupe français quand même, qui dépulpe pas mal les nichons. Surtout qu'on en a... eu pas mal d'écho. Ouais, donc ça devait être super bien. Mais là, c'est vraiment parce qu'on est arrivé trop juste. Hein. Ouais. Sinon, j'aurais essayé d'avoir Breed Machine en premier et après Pensée Nocturne, mais là... Ah, j'aurais fait Black Rainbows et Breed Machine. Ouais. Moi, c'est vraiment parce que Pensée Nocturne, je suis arrivé vers la fin et que c'était plus près, en fait. C'est tout. C'était juste une question de distance. Alors, je sais qu'après, on a dû partir tous sur Black Bomb Bay. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on a raté Monolord. Et Bloodshot Down. Bloodshot Down, je les ai vus, moi. Tu les as vus un peu ? Ouais, je les ai vus un peu. Ouais. Je m'en suis rendu compte qu'après, parce que j'avais des photos d'eux. C'est musicalement. J'ai vu ça. Musicalement, j'ai dit, c'est pas Black Bombay, ça. Par contre, c'est sombre au main stage. Et Joe a vu Monolord, il a dit que c'était top. Ouais, bah oui, bah forcément. Donc Black Bombay, bah claque. Ouais, c'était cool. J'ai pris une claque. Là, franchement, encore une fois, des mecs qui ont vieilli, mais putain, la niaque, quoi. C'est clair. La méga niaque, franchement, c'était top. Encore des mecs ultra, ultra, ultra contents d'être là. Ouais. Vraiment. Et qui se rendaient compte de, putain, il y a déjà autant de monde que ça, quoi. Tu voyais vraiment le matin. C'est le chanteur, il était waouh, il était content d'être là et tout. Bah, je peux te résumer ce qu'il m'a écrit. Ah, bah. Gentiment. Oui, vas-y. Donc voilà, je l'ai contacté aussi pour savoir. Donc, comme je l'ai dit, hein, un mot, une phrase. Donc, leur mot à eux, c'est dantesque. Voilà. C'était vrai. C'est pareil pour nous, avec ce qu'ils ont donné. Exactement. C'était vraiment... Merci à eux. Ah ouais, super concert. Ensuite, moi, je suis parti en Warzone voir Get the Shot. Vous aussi? Bah, sur les conseils de Black Bombay. Donc, personne n'a été voir Savage Messia ou Antaoma, alors? Non. Non, très très bien. Bah, moi, je pensais... En fait, mon plan de base, c'était d'aller voir Get the Shot et de revenir voir un petit peu Savage Messia. Get the Shot m'a pris, m'a défoncé la gueule. Ouais, et je suis resté... Shot, c'était génial. Ouais. Ah, on est resté scotché. De l'énergie, c'était génial. Ah, mais... Génial. Un chanteur fou. Ouais. Qui est parti énergie, plusieurs fois dans le public pour parce qu'il était possédé. Ouais. Le mec possédé. Quoi. Chaque fois, il descendait, il venait chanter le public et il partait dedans. Non, vraiment. C'était vraiment super. C'était tellement bien qu'après, j'ai fait une pause parce que la ligne, je l'ai rayée. J'ai vu aucun des trois. Bah, j'ai dû voir de loin Jessica 93, vite fait pour la blague. Eskimo Callboy et Demelik. J'ai rien vu. Pareil. Donc, j'étais en train de me remettre de Get the Shot. Je sais qu'après, j'ai été voir Knocked Loose. Je sais pas ce que vous avez été faire. Je crois qu'on a vu aussi. Enfin, le chanteur, il a les cheveux longs, une casquette, et il fait jeune. Un groupe qui faisait un peu plus jeune que... C'était en quoi ? En Warzone. En Warzone. Ah bah oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu après aussi. Ouais, c'était très bien aussi. C'est ce que je voulais voir, moi, donc ça m'allait. Du coup, j'ai pas vu L7. Hein. Ah, là, là, là. Ah, moi, c'est pareil, j'étais déçu. Ouais. Là, je me suis couché miné. D'ailleurs, ce n'est plus une batteuse, mais un batteur qui a dû avoir quelques changements de line-up. Mmh. Ou de line-up. Au dernier moment, peut-être, des soucis. Là. Donc après, il y a eu trois concerts intéressants. Donc je suis parti sur Psycup. Nous aussi. Nous aussi, ouais. Je sais que Joe a vu Mille Modes. Vous l'avez vu un peu ? Alors, on a fait on a fait les deux. Indirect, en fait. Ah bon ? Parce que Parcimonie était pris d'une envie de pisser. Étonnant. Et du coup, on a fait, du coup, Altar. Donc, ouais. Altar qui est complètement à gauche. Ouais. On a traversé Temple. On est arrivé aux chiottes au niveau de la vallée. Ouais. Oh putain, ça a l'air bien, ça. On est resté deux morceaux devant Mille Modes. Et puis, on est retourné sur Psycup direct. Bon, alors, Psycup, hein, grosse claque, mais claque annoncée. Pareil. Je veux dire, voilà. En fait, c'est même. Pour le coup, je trouve ça même beaucoup mieux qu'en disque, en fait. Parce que le côté fou est présent, tu le sens. Mais alors, quand tu le vois, ça prend toute son ampleur. Et après, quand tu réécoutes, là, tu refais. Ah ouais, putain, c'est. D'avoir réécouté après, j'ai dit. Ah ouais, non, c'était trop. Bah ouais. Donc, Psycup, très très bon. Donc, Mille Mobs, bon aussi. Pour oh vous. Ouais, c'était ouais, très génial, bon, ouais. Mille Mobs. Et du coup, moi, j'ai été voir Rise of the North Star. Attends, parce que Psycup m'a... Ah bah pardon, excuse-moi. M'a lancé un petit mot aussi, gentiment. Donc voilà, petite phrase de Psycup, édition riche en émotions pour nous, pour notre premier Hellfest, que du positif et de la violence conviviale. Voilà. C'est carrément bien résumé. C'est ça, c'est ça. Du coup, moi, j'ai été voir Rise of the North Star de loin, parce que j'en avais tellement parlé que je voulais les voir. Et je me souviens, en fait, ça m'avait marqué parce que j'en avais parlé à notre voisin de tante, Laurent, qui lui m'a dit, ouais, bah, ils sont amusants, ils sont un peu dans la caricature, moi, ils me font délirer. T'sais, en fait, il voyait ça comme un groupe de second degré. Ouais. Je ne l'avais jamais vu comme ça, moi, le groupe. Et c'est vrai que si tu fais un peu gaffe à leur image, à leur manière d'être, tout ça, ça peut être un peu interprété comme ça. Ouais. Surtout que sur scène, ils sont masqués. Là, ils sont masqués, ouais. Et en vrai, j'ai trouvé ça super bien. Et c'est presque un des groupes que j'ai le plus réécouté depuis que je suis rentré parce que je trouve que ça marche trop bien. Alors, j'en ai pas vu beaucoup. Ils n'avaient pas de tenue de scène comme ça quand on les a vus. Si, je crois, mais il y avait des foulards. Il y avait plus de foulards. Parce qu'ils avaient toujours un peu la tenue des... du chanteur qui avait une casquette et les cheveux longs. Ouais, mais ils avaient des espèces de foulards à moitié, soit pour se cacher le visage, soit un peu à la manière des Yankees japonais qu'on voit dans les mangas, tout ça. Donc. Mais... très bon concert de loin. Après, je regrette que ce soit en main stage parce que c'était pas fifou. Ouais. La main stage, bien sûr. Mm-hmm. Moi, j'ai enchaîné avec Tremonti. Et là, c'est là qu'il va y avoir après un problème de SMS et de communication entre nous. Je me souviens très très bien. Donc, Tremonti était en main stage 1, donc tout en bas à droite. Et vous, je ne sais pas, vous êtes parti manger à ce moment-là. Parce que vous avez pas été... Ou alors vous avez été voir autre chose. C'est manger, non, je non, crois. On a pas, parce que le prochain qu'on a vu, nous, c'est Aurore. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Tremonti, moi, j'ai été, donc, je me suis placé pour faire les photos, j'ai été faire, mais il y avait déjà l'avancée scénique de Avenged Sevenfold, ce qui fait que ça limite beaucoup la place qu'on a, parce qu'en plus, les groupes ne doivent pas avoir le droit d'y aller, je pense, que jamais ils y vont. Ouais. Donc, ça doit, je suppose que c'est une consigne qu'on leur a donnée. Mmh. Du coup, Tremonti, c'était très bien, il a enchaîné avec des morceaux du nouvel album qui passent très très bien le live. Ouais. Et c'est là que j'ai reçu un message de Bob qui me disait, on est route de la bouffe, burger nantais. C'est ça, exact. Oui. Et donc j'ai traversé tout tout le festival ouais. pour vous retrouver, mais le message avait déjà une demi-heure de décalage, donc j'étais biaisé. Voilà. Et c'est là parce que nous, on était complètement ailleurs. Voilà. On était à Aurore, une demi-heure après. Non, on a été manger au niveau des arcs. Ah oui, on a flotte. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais. Donc du coup, on ne s'est pas retrouvé. J'ai été jeter un œil à Aurore. Alors pendant que vous étiez en train de kiffer, j'ai regardé que le début. Le début a commencé avec un peu de la musique de hip-hop. La musique de hip-hop. Ouais. Après. Et donc moi, c'est là où ça m'a un peu perdu. Et j'ai dit, eh, tant pis, je passe mon tour. Et je suis retourné au camp. Mais vous avez regardé le concert et c'était... En entier. Et c'était énorme. C'était dément. Ouais. Bah, le mec qui arrive déjà... Bon, au début, c'était plutôt calme. Et oui, ça commençait avec de la musique hip-hop. Ouais, non, mais c'est... Donc le chanteur... je sais pas comment je peux dire ça. Ça pue ce que t'es en train de faire. Tiens, prends ça. Le chanteur et le batteur, tous, ils avaient une énergie de dingue. Et le chanteur qui arrive, qui saute direct sur l'enceinte et qui regarde la foule et qui se jette dedans direct. Et le batteur qui part direct. Ah non, mais je suis d'accord. Mais moi, j'ai vu du punk et du hardcore. Plus que du hip-hop. Ouais. Du coup, mais ils ont peut-être fait une setlist appropriée. Vous avez essayé de réécouter depuis? Ouais, ouais, et donc du coup, en fait, on a écouté sur Spotify en aléatoire, ouais. Et du coup, t'as plus de morceaux hip-hop quand même que de morceaux punk. Du coup, ils ont peut-être dû adapter. Ils ont adapté, ouais, mais le show en lui-même était énorme. Et voilà, mais alors là, ça sera un de mes regrets parce que j'aurais bien aimé justement voir pour me rendre compte aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, non. Voilà, le batteur nous a fait un solo à un moment déchaîné. Mmh. Le chanteur qui s'est jeté dans la foule au début a demandé à faire un Wall of Death en plein milieu. Il s'est posté en plein milieu du Wall of Death. Le batteur est parti et le chanteur est resté dans le Wall of Death. Quoi. Non, mais... Voilà, quoi. Putain d'énergie, c'était impressionnant. Ah, les mecs... Et le gars a fini son concert en faisant un salto arrière sur la scène. Quoi, puis, Ah non, mais... Voilà, quoi, le mec était ultra heureux d'être là. Les gars ont tout compris, quoi. Ils ont adapté leur setlist et fait un truc. Et c'est, tant pis pour moi, j'ai raté. Et ouais, on a plus entendu du punk, du hardcore que du hip-hop. Non, non, mais c'est top. Moi, je suis retourné au camp me poser tranquillement. Non, mais... Et du coup, vous êtes revenu après au camp? Non, d'abord, on a été voir Heilung. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pris une grosse claque sur Heilung. Vous l'avez regardé en entier? Ah, c'était le fameux moment où je me suis posé. Juju s'est posé. Moi, je suis rentrée sous la tente. Et je voyais rien, mais franchement, ça m'a j'ai transporté, vu de loin. Mais vraiment. Ouais. Enfin, j'ai vu sur le côté, en fait, la sortie VIP. Mmh. J'ai vu sur le côté, vite fait en passant. Et putain, ça avait l'air... C'était transcendant, vraiment. Bah, visuellement, j'ai vu quelques images. C'est vrai que c'était pas mal. J'ai vu toute la scène était prise, en fait, par les membres du groupe. Ouais. Ils étaient tous déguisés. Ouais. Avec des espèces de... Enfin, c'était visuellement, je pense que c'était magnifique à voir. Et musicalement, j'ai apprécié, adossé gentiment, voir tout le monde sortir, rentrer au niveau du VIP. Mais ouais, non, ça avait l'air sympa. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était bien. Donc vous êtes resté longtemps? Moi, je suis restée tout le concert, en fait. Ah, quand même. Là, j'ai fait tout le concert, mais je voyais rien, si tu veux. Mais franchement, j'étais vraiment transportée par le truc. Cool. Mais... Totalement, je suis partie, je sais pas où, mais c'était génial. Ouais, moi du coup, j'étais en pause, et c'est là que vous êtes revenu me rejoindre après. Ouais. donc là, on était resté à peu près. Moi, donc si on saute Heilung, moi je suis resté après les deux lignes qui suivent. Donc j'ai ni vu Plémo, ni Memoriam, ni Die Alec, alors que j'aurais voulu y jeter un coup d'œil pour dire. Ni vu Terror, ni vu Arcona, et ni vu Bullet for My Valentine. De quoi? Non, mais... Ah, vous étiez sur dimanche? On n'était pas sur la bonne page. Vous êtes des génies. Ouais, vous savez quand même, il est déjà à 20h. Je ne sais pas pourquoi la page s'est tournée. Du coup, je sais que notre ami Julien a bien aimé Bullet for My Valentine. Il me l'avait dit. Ouais. Il a dit que les nouveaux morceaux, les morceaux du nouvel album plutôt passaient plutôt bien en live. Nous, on a eu le contre-avis de Stéphanie qui nous a dit qu'elle n'avait pas trop aimé, alors que c'était un des concerts qu'elle voulait voir. Et que notre autre voisine de tente, dont je ne connais pas le nom, Orange Girl non, celle-là à côté, là. Comment elle s'appelait? Angéline. Ah non, oui, Angéline. Oui, un truc comme ça. Ouais. Angéline. Attends, je suis pas sûre. Ouais, qui était à côté de vous. Ouais. Ouais. Et du coup, elle n'a pas trop aimé non plus, je crois. Elle a aimé? Je crois qu'elle n'avait pas aimé, ouais. Donc après, on est retourné pour voir Orange Goblin pour vous. Mm-hmm. Et moi, j'ai d'abord été voir Cataclysme. Donc allez-y. Cataclysme, c'était bien. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai vachement aimé. Je suis pas resté en entier parce que je voulais aussi voir Orange Goblin. Mm-hmm. Donc je suis resté une bonne partie. J'étais pas déçu de ce que j'ai vu. C'était le groupe que c'était une de mes grosses découvertes de cette année, donc j'ai bien aimé. Du bon death metal bien efficace, ça envoie bien en live, c'était bien. Mais j'avais aussi quand même envie de revoir Orange Goblin, donc je vous ai rejoint sous la vallée et Orange Goblin, c'était terrible. C'était franchement très bien. Bah ouais. Ah bah c'était chouette. C'est le premier groupe qui m'a répondu d'ailleurs. Ah. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Gentiment, comme je te disais tout à l'heure, il pensait qu'on les invitait à une interview directement. Et je comprends bien que vous êtes pas, c'est pas facile pour vous. Hein, on est en France, tout ça. Donc j'ai bien précisé. Non, non, juste une phrase ou un mot. Donc je crois que c'est Ben qui m'a répondu et qui m'a marqué gentiment, probablement le meilleur festival européen qu'ils ont fait pour le moment. Voilà, voilà, tout simplement. Ça devait être le premier. Ça devait être ça. Du coup, on a raté la performance de Body Count. Dommage. Moi, j'ai eu comme écho d'une photographe qui m'a parlé, qui m'a demandé si je l'avais vu, et j'ai dit bah non. Elle m'a dit il y a 3 ans, en Warzone, on pouvait pas accéder. Je fais bah ouais. Elle m'a dit là, c'était pareil, c'était hyper blindé de chez blindé, que c'était top quand même. S'en est suivi le concert de Madball. Hein. Exact. Je pense qu'on a dit Deftone, c'est pas grave, Enslaved. Et... J'avais pas vu de Madball, j'avais vu Deftones, mais pas Madball. Comment ça? J'ai déjà vu Deftones. Ah oui, d'accord, pardon, j'avais. Mais pas Madball. Et Madball, c'est. Bah, Madball, c'était génial. Roll la grosse claque, get the shot x2. Voilà, il y avait personne en plus, il y avait pas très. Il y avait pas grand monde. Non, mais purée, là. C'était super. C'était Madball, quoi. Ouais, mais en fait, Madball, c'est marrant parce que c'est encore une de mes. Enfin, c'est vraiment un groupe que j'ai découvert cette saison dans le sens où je connaissais, j'avais déjà écouté 2-3 fois. Mais j'ai vraiment apprécié que cette année, on va dire. Mm-hmm. Et en live, c'était une tuerie, quoi. Ouais, c'était violent. Et même leur nouvel album, hein, il dure 30 minutes, même pas ouais, un petit peu moins. Il est assez court. Hein. Et il est super bien, quoi. Ouais. Et là, c'était... Bon, ça te met dedans direct. Hein. Ouais, non, c'était... Le chanteur, qui est moche, hein, ça, on peut le dire. Hein, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas de sa faute, déjà. Mais, voilà. En tout cas, c'était top. S'en est suivi donc après. Vous êtes resté jusqu'à la fin? Ouais. Ouais. Je crois aussi, moi. Après, j'ai été donc. Là, en fait, nous, on a fait connaissance de gens. Ah oui, c'est là que vous avez eu vos petits partenaires particuliers. Oui, voilà. D'accord, okay. Donc, du coup, on est resté à discuter. On voulait absolument. On est sorti de Madball. On voulait aller voir absolument. Dead Cross. Ouais, c'est ça. Mm. On est arrivé à la vallée. Il y a eu Dead Cross dans une demi-heure, je crois, ou je sais pas trop. Donc on a peut-être pas vu tout. Ah bah vous n'avez pas pu voir tout Madball alors, non? Je voulais même voir Shidouane. Non, je me demande si on n'est pas arrivé. On a dû speeder. Bah pour moi, si vous m'aviez dit que vous avez raté le début de Dead Cross. Ah ouais, on a raté le début de Dead Cross. On a dû voir deux morceaux, je crois. On a voulu aller se prendre une bière. Et on est tombé sur un gars de la Manche. Par hasard. Au niveau de l'os, qui est devant le bar. Et du coup, on est resté à discuter avec lui et on entendait Dead Cross jouer. Donc, j'ai regardé comme ça, je fais merde, putain. Mais en même temps, on a passé un excellent moment avec Christopher, justement, quoi, qui était un très très bon moment avec un mec complètement pété à côté de moi qui à un moment m'a mis la main sur la cuisse. Il était grand et costaud, on avait peur qu'il nous tombe dessus. Il est anglais, il comprend pas ce qu'on dit. Le mec était torché. Quoi. Il était fatigué. Il était debout au début. Mais attends, on est samedi soir. Toi. Non, mais c'est ça. Normal, c'est attends, il devait être. Ouais, il était 21h50, c'est ça. C'est normal. Ouais, il est venu s'asseoir. Le mec tombe. Ouais, puis il s'est posé. Enfin, on savait pas trop. Il titubait, machin. Il était debout. Et c'est là qu'on a bu 3 pichets de Grimm. Donc du coup. Ça a remis tout le monde d'accord. Donc on était à peu près à son niveau. Donc, Mais du coup, vous pouviez. On a rencontré César aussi en même temps. Ah, on a rencontré César. Ouais. Ah, au même moment. Ouais, c'était bon. Cool. C'était marrant. Et comment ça se passe en Gaule pour lui? Très bien. c'est difficile. C'est assez tendu. La Gaule est tendue. Mais du coup, vous pouviez voir aussi Children of Bodom, donc de là où vous étiez. Parce que vous aviez les deux. On entendait en fait. Ah ouais. Parce que Altar est à gauche, donc du coup on était au niveau de l'os et on pouvait pas trop. On entendait un peu, c'est un peu le souci qu'on avait aussi, quoi, des fois. Mm-hmm. C'est d'entendre un concert et un autre en étant. Donc c'est soit tu vas dans le concert vraiment, soit t'es entre deux et t'entends tout. Bah, du coup, moi j'ai été voir Dead Cross, Dead Cross, que j'ai vu en entier. Ouais. Du coup, bah, super show. En fait, c'est, le show est un peu l'image de la musique, complètement un peu fou, quoi. Mmh. Et il y a un passage qui était très sympa où Mike Patton a fait monter un petit garçon avec lui sur scène. Et le petit garçon, il dit « Ouais, tu vas chanter ça ?» Il dit « Non, je chanterai pas. » Il dit « Vas-y, tu vas chanter ça ?» Non, non. Et en fait, il a réussi à le convaincre. Genre, il s'est assis avec lui sur scène, il l'a pris dans ses bras, il dit « Non, juste, tu vas chanter ça. » Et en fait, il répétait un truc en fin de refrain et ça, et ça marchait super bien. Et c'était cool. Un moment qui était un peu fou, parce qu'avec la musique de dingue qu'ils ont, et, ah bah, ouais, c'est clair. Et ça passait super bien, et le concert est passé très très vite, et c'était vraiment excellent. Mais du coup, il y a eu une heure de show quand même. Hein. Ouais, mais c'est passé super vite. Ouais. Du coup, bah, j'ai raté aussi Children, et j'ai foncé voir un petit peu Limp Bizkit, de loin. On a vu de loin aussi, nous. Que bah, en fait, c'est vrai qu'il y a un petit détail qu'on a oublié de signaler. C'est aussi samedi qu'on a appris la mort de Vinnie Paul. Et donc, on a quand même pas mal ressenti ça dans la journée. Moi, je devais être devant. Beaucoup de personnes en parlaient. Ouais, beaucoup de personnes étaient... Je crois que je devais être devant Mémoriam ou Cataclysme quand j'ai appris ça. Touché par, ouais. Par ça, ouais, c'est vrai. Vraiment. Et du coup, bah, Fred Durst, le chanteur de Limp Bizkit, l'a lui-même dit « Je suis assez triste aujourd'hui, j'ai appris la mort de Vinnie. » Et du coup, bah, il a... Enfin, je trouve qu'entre les morceaux, ça se ressentait. Moi, je le sentais un peu absent, un peu entre complètement, deux. Complètement, ouais. Et il reprenait il reprenait quand il chantait les morceaux, il était à fond dedans et ça marchait. Mais entre deux, voilà, je le trouvais touché, quoi. Ouais. Donc ça donnait une petite particularité au concert qui n'était pas désagréable, mais voilà. Et Laurent. Ouais, mais on pouvait être triste avec lui. Ouais, et Laurent, notre voisin de tente, a beaucoup aimé ce concert. Ouais. C'est un des meilleurs concerts qu'il a eu. Et Julien lui a trouvé ça très sympa quand ce n'était pas des morceaux de Limp Bizkit qui jouaient. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ce qui il a précisé, ouais. Ça. Personne n'a été voir Vatain. Non. Peut-être Joe, je ne sais pas. Ouais. J'ai adoré. J'ai été voir Cro-Mag après, parce que comme je parlais d'aller voir que des anciens et que des vieux, et bah j'ai été voir Cro-Mag. Voilà, normal. Qui putain ou encore grave la patate, hein, vraiment. Moi je sais pas ce qu'on a fait entre deux là. Bah vous étiez parti pour voir quoi après? Headbreed. Bah on a vu Headbreed, c'est sûr, ouais. Mais ça c'était mangé. Après. On a été bouffé, je crois. Oui, je pense qu'on avait besoin de manger. Mais non, je raconte des bêtises, c'est le soir où on n'a pas mangé, justement. Donc, c'est pas possible. On a pas mangé, donc on n'a pas été mangé, on a été boire, peut-être. Ah, bah, boire, alors. Ouais. Je pense que d'accord. C'est ça. Et ben, donc, Cro-Mag, très très bien. Vraiment, bah, les anciens du punk, quoi. Les papas, les padres. Et donc, c'était très très très efficace. J'ai beaucoup d'ailleurs préféré les voir en live que ce que j'avais pu écouter. Ouais. Ensuite, j'ai été jeter un œil à Avenged Sevenfold. Pour voir ce que ça donnait. Là, je crois qu'on a vu de loin. Bah, ouais. De loin, j'ai vu de loin aussi. Hein. J'ai vraiment vu de loin. Parce qu'on arrivait, de manière, les derniers concerts comme ça, j'ai pas regardé pour Parc Drive, mais les grands groupes de tête d'affiche étaient sur signature ou fallait être sur des listes pour prendre des photos. Donc j'ai forcément vu de loin. Je me souviens particulièrement du moment où pour Nightmare, eh ben, ils ont fait venir un mec du public parce que le chanteur disait ça fait 2-3 jours, j'arrive pas trop bien à chanter. Donc il a pris un mec dans le public. Il dit, tu veux chanter? Bah, viens chanter. C'est une catastrophe, le mec. Enfin, le mec a commencé, mais il connaissait pas trop les paroles. Ouais, ouais. Mais par contre, je sais que j'en discutais encore une fois avec Julien, qui me disait, ouais, mais tu fais pas monter un mec comme ça, tu vas pas, quoi. Je dis, ouais, mais attends, le mec, il a quand même les couilles, quoi. Tu montes sur une main stage samedi soir devant tout le monde, il a pris le micro, il a chanté. Il a fait ce qu'il a pu. Alors, Julien a dit, ouais, mais tu montes pas, tu connais pas les paroles. Je dis, ouais, mais quand même, il a quand même des couilles. Ou il est extrêmement bourré. Deux possibilités. J'ai vu un mec monter sur une main stage comme ça sans être invité. Ça s'est pas passé pareil. Non, ça c'est sûr. Il a été. Mais déjà, c'est balèze, hein, parce que en vrai, la distance qu'il y a entre les crash barrières et la main stage, c'est loin. Je l'ai vu faire. Mec. Je le voyais monter sur la crash barrière. Pop, il est monté sur les enceintes, je sais pas trop ce que c'est. Et il a été sur la main stage, il est arrivé au niveau du micro, et puis c'est là que j'ai vu un des mecs de la sécu qui s'est rendu compte que c'était pas un mec du tout qui était invité. Il a couru, tu sais, genre plaquage de rugby, quoi. Ah bah, on rigole pas trop. Mais en tout cas, un concert sympa d'Avenged. Ce que j'ai vu, c'était sympa. C'était pas dégueu. C'était la première fois que tu les voyais. Oui, c'était Ils ont fait le show pyrotechnie devant. Bah, j'ai pas vu beaucoup de pyrotechnie. Moi, je suis pas resté assez longtemps. Ou alors il y avait d'autres moments. Mais... Non, parce que moi, je suis pas fan, mais ce que j'avais vu. Bah après, c'est carré. C'est... Dit, oui, ouais, tu m'as déjà dit. Ouais, c'était propre. Donc, du coup, personne n'a vu Nile ni Neurosis. Non. Très bien. Pas de mémoire. Donc, vous êtes parti en Warzone ou à Redbreed avec moi. Ah, bah ouais. Donc, on était. En fait, on s'est suivis. à plusieurs moments. Ouais, ouais. Sans se retrouver. Ouais. Donc, Hatebreed, bah, pff, la bagarre, quoi. Hein. Bah, voilà, ouais, c'est ça. La bagarre, ouais. Hein, ouais, complètement. Que dire, à part. C'était top, quoi. C'était Hatebreed. Ouais. C'était pas efficace. C'était pas la folie d'un Madball ou d'un Get the Shot, mais c'était d'une propreté impressionnante. Du coup, j'aurais bien aimé voir Parkway Drive et je voulais même regarder le live parce qu'il paraît que c'était vraiment bien et je l'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Ouais. Mais bon, Dimmu Borgir, je l'ai pas fait du tout. Bah moi, j'ai hésité. Ah, un peu. Je me suis dit tiens, peut-être pas, peut-être pas. Donc voilà. Et ben c'est bien aussi. Bah ouais. C'est bien aussi. Hein. Écoute. Du coup, fin de soirée, retour au camping et départ pour la nuit de folie. Donc c'est là. Bah si, on est parti après. Ah ouais, nuit de folie, ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Donc c'est là où on a été un peu se balader chez les pauvres. C'est ça. Comme, j'ai pas osé le dire. Mais... Ah bah. Pff. En même temps, on nous traite de riches. C'est ça. Donc on a été voir un peu ce qui se passait dans le camping. Bon, certains ont été sont rentrés plus vite que d'autres. Et mal aux pieds. Voilà, ça arrive d'avoir mal aux pieds. Quand voilà. T'as pas mangé, t'as très vite mal aux pieds. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Manger des pommes. Donc on a commencé par voir faire un petit tour au Macumba Club. Hein. Et Macumba. C'est aussi Takumba. Zach. Donc c'était. On se devait de la faire. On était obligé. On était obligé. Hein. Du coup, le Macumba Club, pour ceux qui ne savent pas, même si maintenant tout le monde a entendu parler, c'est une espèce de grande tonnelle avec la musique des années 80 et les gens qui font la fête jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Y compris des chenilles géantes. Voilà, et les démons de minuit. Exactement. Après, nous avons poursuivi nos pérégrinations au sein de ce... bien tenté. C'était pas évident. C'était... Mal effectué, mais bien tenté. J'ai pris le risque. Je suis un mec du risque. On a pu assister à quelques joutes de caddie. Très sympathique. Avec une super victoire féminine. Ouais. Manque un petit peu certaines règles un peu compliquées à comprendre. Hein, ouais, j'ai pas trop compris non plus, moi. En plus, moi, j'ai parié 50 euros, j'ai pas compris, j'avais parié sur la fille. T'as donné 50 balles à un mec comme ça, le mec qui s'est barré. J'ai pas compris. Enfin, alors c'était... que t'avais gagné, pourquoi? J'ai gagné, c'est la fille qui a gagné. Le pactole. Et ensuite, retour... Non, t'as oublié le concept du bar. Le concept du bar qui ne sert pas de bar, oui, c'est vrai. Il y a des happenings comme ça de mecs qui ne te vendent pas de bière, quand non pas. Mais... De la air bière. Voilà. C'est un air bar. C'est ça. Donc, pas mal de petites choses au sein de ce camping. Ensuite, on est rentré. Ensuite... Très radiophonique, tout ça. Ben, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait un enfant dans le garage. Non, c'est ça aurait été marrant, un enfant qui s'invite. Voilà. Et du coup, après, ben, on est rentré, et c'est là qu'on a fait la connaissance de Caramel. Hey, Caramel. Donc, Caramel est un artiste de music hall qui ouvre des bières avec ses testicules. Voilà. Donc, faut le... Bah, il les ouvre, disons qu'il expulse des bières. Avec ses testicules. Avec enfin, on a été... Testiculairement parlant, totalement surpris. Alors là, on n'y croyait pas. Ah ouais, non, je. Donc, ça a été. Comme quoi, il y a des talents qui se cachent un peu partout. Oui, surtout dans le slip, apparemment. Et donc, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, on pourra vous fournir ses coordonnées. Il s'occupe des anniversaires des enfants. Voilà. Ou d'autres soirées de famille, enterrement de vie de jeune fille. Voilà. Et voilà. Bon, principalement, c'est vraiment l'ouverture par les couilles, mais il a fait. Les maisons de retraite aussi beaucoup. Voilà. Après, il a peut-être un ou deux numéros cachés, il nous a pas non plus. Ah, il nous a pas tout dévoilé. Parce que bon, c'était gratuit quand même, il nous l'a montré comme ça. C'était pour le Hellfest. C'était magnifique. Ouais. Bon, une fois que le jour s'est levé, on s'est dit qu'il faut aller dormir. Voilà. Ah. C'était agréable en même temps de voir le jour se lever. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on peut noter qu'à chaque fois, on avait toujours des gens avec nous, on passait des très bons moments. C'est vrai. Je veux dire, on a perdu Joe à un moment donné. On a perdu parcimonie à un moment donné, on a Stéphanie qui est venue avec nous, on était toujours à... Ouais, il y avait du monde, ça circulait. C'était très sympa. Dimanche matin, donc là, c'est le drame. Ah oui. Hein? Bah oui, on peut pas voir le jour se lever et se... Si. Et voilà. Si. Mais il faut éviter les trois pichets de grime. C'est ça. C'est ça, je pense. J'avais ce petit avantage sur toi. C'est vrai. Mais il n'y avait pas que les trois pichets de grime, c'est ça le truc, c'est que derrière, ça a enchaîné... Bah, c'est beaucoup de mélange, hein. Kingdom of Muscadet. D'ailleurs, on a oublié de citer notre numéro de duettiste de lancer de Canette. C'était le samedi, ça ? C'était le samedi soir. C'était le samedi, ouais. Et bien voilà. On a fait ça aussi. Le super jeu du lancer de verre, je rattrape le gobelet. Ouais. Parce qu'on a un petit numéro en plus de ce podcast. Oui, c'est pareil, on cherche à se produire. Exactement, on cherche des scènes, hein, voilà. Des petits festivals d'été ou. Bon, faut un peu d'espace, par contre. Petite création de jeu. Hein, oui, oui. Tout anodin, tout gentillet, ouais, quel ouais, qu'il ouais. soit. Avec hein. quand même toujours un petit risque, parce qu'on prend un peu de risque à lancer une bière à quelques mètres de hauteur. C'est vrai. Mais bon, après, si tu la rattrapes bien... C'est classe. Voilà, c'est ça. Je veux dire, l'effet est là. Par contre, après, le plaquage sur coussin... Bon, c'est un peu risqué, donc du coup, c'est pas non plus donné à tout le monde. Voilà. Donc, éviter les personnes âgées avec des problèmes de dos, de hanches, de prothèses. Oui, colon aussi. Donc, dimanche matin, couché 6h30, levé 8h30, j'étais prêt. Pas moi. Parcimonie non plus. Non, fais pas ta manie. Non, pas le dimanche matin. Le pied droit, t'allais bien, mais le pied gauche, j'étais encore un peu engourdi. J'ai un petit peu. C'était très dur le dimanche matin. Joe aussi était un peu fatigué. Ouais. Ouais, il était un petit peu fatigué parce que bon, des trucs. Ouais, mais lui, on sait pas ce qu'il fait de ses soirées, donc. Ah bah, c'est vrai que Joe a été un petit peu un électron libre. C'était un fantôme. Il a retrouvé son ami Tonton. Fort sympathique au demeurant. Qu'on a rencontré aussi. Et après, ils ont disparu. Voilà. Mais dimanche matin, Tonton était plus frais que Joe. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que moi, je l'ai croisé. Sous la vallée. Donc, dimanche matin, je suis parti voir Malakavian et de Texas Chainsaw Dust Lover. Voilà. Ce que moi, je n'ai pas fait. Non. Deux concerts fort sympathiques. Que je voulais faire, d'ailleurs. J'ai préféré The Texas Chainsaw. Malakavian, c'était très bien. Alors, je suis moins fan du batteur qui mettait son bonnet péruvien parce qu'il y avait un petit côté, on est quand même beaucoup trop content d'être là. Qui se marie un peu moins avec la musique. Donc, le batteur avec un petit bonnet péruvien. Après, c'est le bassiste ou le guitariste qui l'a pris sur lui. C'est genre, on a nos potes qui sont là. Ouais, vraiment, c'était cool. Ouais. Mais le style de musique, ça allait un tout petit peu. Ouais. C'est ça. The Texas Chainsaw, propre, nickel, rien à dire, hein, vraiment efficace. J'ai été voir un petit peu de loin Fit the Rhino. Ouais. J'ai essayé de m'approcher, j'étais plutôt près, mais j'ai essayé de retrouver Julien, il était dans le coin. D'accord. Impossible. D'ailleurs, on en parlera après, il y a d'autres gens qu'on n'a pas réussi à retrouver du week-end. Oui, c'est vrai. Nico. Nico, par exemple. Donc, je suis parti en Warzone voir Pogo Car Crash Control, qui était un groupe que je ne voulais pas voir. Et moi, que je voulais voir exactement. Juste par curiosité, pour voir s'il se déchaînait aussi bien qu'il le disait. Alors, et donc c'est très sympa à voir en live. Ils ont un petit côté un peu jeune, et certains membres un peu plus propres sur eux, qui est un peu bizarre. Enfin, ouais. Oui, j'ai vu des vidéos. Voilà, donc la bassiste fait très jeune, mais elle a quand même une grosse patate, et l'un des guitaristes fait très premier de la classe, un peu bizarre. Pour le reste, l'ensemble marche très bien et tout ça. Musicalement, ça, c'est vraiment une très très bonne énergie. C'était très efficace, mais voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Crisis, qui était un groupe que je voulais voir. Oui, que je voulais voir aussi. Qui était top de chez top. En plus, j'adore, mais bon. Voilà. C'était vraiment, vraiment... Tu peux pas tout faire. Elle est mignonne, elle essaye de lui trouver des excuses. Non, mais tu après... tu peux pas te lever. Non, mais c'est... mais c'est de la faute à Caramel, ça. C'est ça. Tu peux pas te lever tôt. Ouais, tu peux pas faire des spectacles comme ça. Moi, je suis subjugué, moi, quand je vois ça. Du coup, Tu fais des rêves toute la nuit. C'est ça. Et le matin, t'as pas la nuit. Toute la nuit, La courte nuit, oui. J'ai aussi enchaîné après avec Lucifer, parce que je voulais voir si visuellement c'était intéressant, parce que moi, j'avais plutôt bien aimé musicalement. Je m'étais dit que pourquoi pas. Ouais. C'était assez sympa. Ça passait plutôt bien. Je ne suis pas resté très longtemps, mais c'était plutôt bien. J'ai enchaîné avec Au-dessus, qui était l'autre groupe avec Pensée Nocturne de Black Metal que je voulais voir pour le côté un peu... dans vos dernières nouvelles, Au-dessus, c'était le groupe que je trouvais hyper malaisant et qui représentait vraiment les trucs. Et en fait, visuellement... Alors, en live, ça passe bien. Visuellement, c'est moins intéressant, je trouve, que Pensée Nocturne parce qu'ils ont juste des capuches sur eux. D'accord. Ça passe, musicalement ça passe, mais j'ai pas du tout retrouvé la dimension malaisante que j'avais. Okay. Mais c'était plutôt sympa. The Good, the Bad and the Ugly, j'ai pas vu. Stray from the Past, j'ai dû voir de loin, mais très très court. Et je suis retourné au camp à ce moment-là, moi. Donc j'ai zappé Primal Fear et tout ça. C'est là que je vous ai croisé, vous qui êtes reparti vers le camp. Voilà, et nous on arrivait en fait. Voilà. Parce que nous on a vu The Lord of Altamont. D'accord. Je vous ai retrouvé sur la fin de ça. C'est le chanteur qui chante sur son clavier. Ah bon ? Oui, il était monté sur son clavier. D'accord. Voilà. Et il chante avec un clavier qui se Il se penche là, tu sais. Il était monté dessus et il chantait tout en dansant. Bon, c'était plutôt sympathique. C'était les bikers. Voilà, ouais, c'est les bikers. C'est plutôt sympa, ça fait le taf, c'est rock'n'roll. Ça, c'est pas un gros show, c'est pas la grosse patate. Mais bon, pour un réveil en douceur, en rock'n'roll, ça passe, quoi. Du coup, à noter aussi que, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est important, cette journée-là, on a Stéphanie qui nous a suivis toute la journée. C'est vrai, exact. Oui, c'est vrai. C'est important. Stéphanie, si tu nous écoutes. Bah oui, elle nous écoute. Bah, elle nous écoute pas maintenant parce qu'on n'est pas en direct. Mais, ouais. Elle, nous écoutera... mais elle va écouter très rapidement, okay. Je pense. Bah, quand... ça dépend si je le mets en ligne ou pas. Ah, ah, bah, c'est ça. Je vais jamais le mettre en ligne, je l'efface maintenant. Clic. Du coup, après, on a été voir la fin de Shinedown en main stage. Ouais. On a vu la fin après des. Ouais. Pas loin des fontaines. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Une des autres nouveautés de cette année, ça a été la mise en place de deux espèces de grandes structures métalliques qui faisaient couler de l'eau, comme des douches en fait, en permanence. Mais qui. Alors, j'ai lu que c'était que le soir venu, mais moi j'ai l'impression que la journée aussi ça écrivait des choses. Ah oui, toute la journée, ouais. Donc en fait, ça écrivait des choses. Ça faisait le symbole du Hellfest, ça écrivait Hellfest, ça faisait même le Horns Up. Ça écrivait Hellcom. Ouais. Et il y en avait deux comme ça, et ça permettait aux gens de se rafraîchir ou de s'amuser, et d'essayer de passer comme en dessous sans se faire mouiller. Et ils se faisaient toujours mouiller. Ouais. Du coup, c'était hyper rafraîchissant, et en plus très joli, esthétiquement. Oh non, carrément. Franchement. Ouais. Très, très, très, très. C'est très, vrai très que quand t'arrives le vendredi matin, que tu vois ça, tu dis oh, pas mal. Ouais. Joli. Bien, ouais. GG, les mecs. Ouais. On peut aussi noter d'ailleurs qu'en notre nouveauté, comme on était du côté du main stage, c'est sur le côté droit de la main stage 2. Alors le côté gauche du coup. Face à main stage 2, gauche. Alors, si vous êtes devant la main stage. Bref, ça, la 2 côté... est à gauche et la 1 est à droite. Donc sur le côté gauche de la main stage 2, d'autres nouvelles décorations qui font un peu penser à la Warzone, ouais. Qui ont été à nouveau réalisées par Monique Lamouche. Et ça fait très très bien avec des grosses portes. Font vraiment imposante, ouais. Encore un truc de réussi. Estampillé Hellfest. Et du coup, Shinedown, on a vu la fin et en fait, on n'avait pas du tout prévu, mais on est resté. Pas du tout. Mais alors. Pas du tout. Et on est resté près du bar pendant In This Moment. Parce qu'on faisait le con. Oui. Ouais. On faisait un peu les cons. Voilà. Et on n'était pas d'accord avec les filles. On essayait d'expliquer que justement, la chanteuse d'In This Moment avait autre chose que ce qu'elle essayait de montrer, qu'elle avait quelque chose d'intéressant dans son discours, voilà, qu'elle mettait dans son chant. Exactement. Et que nous, on était assez friands de ça, parce qu'on aime bien aller au-delà des apparences, voilà, au-delà complètement. Des choses. Et on l'a vu parce qu'elle a changé plusieurs fois de tenue. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, on a regardé tout le concert, ben ouais, de loin, mmh, avec un petit peu d'eau dans nos verres, parce qu'il faisait chaud. C'est ça, ouais. Exact. De l'eau. On a essayé de lancer un circle pit à deux. On a essayé de lancer, ouais. Ça on est resté à deux, du coup. On est resté à deux, mais on était contents. C'était sympa. Ouais, ouais. Mmh. C'est aussi un moment où on a essayé de lancer une bouteille à la mer à Nico. Oui. Qui n'a pas répondu présent aussitôt. Aussitôt, non. Ouais. Non, ça n'a pas trop marché. C'est pas évident pour tout le monde non plus. Non, on a eu beaucoup de problèmes de réseau pour arriver à se contacter cette année. Ça a été un peu compliqué. Mais ça s'est bien fait quand même. Mais oui. Alors, après, s'en est suivi. The Bronx, tout à fait. On a été voir The Bronx, qui était une grosse. Plutôt bonne surprise, en fait. Ouais, parce que ouais, carrément. Ça a bien, bien mis la patate en Warzone. Ouais. On a plutôt évité Asking Alexandria et The Tomb. Bah, c'est dommage. Pour Asking Alexandria. Oui. Je me doute que tu regrettes. Complètement. Donc The Bronx, très, ouais, très très sympa. On est resté un bon moment, je crois, jusqu'au bout du concert. Hein. Ouais. Et après, si je ne dis pas de bêtises... Ah, on a été voir The Lurking Fear un peu. Oui. Je me souviens qu'on a regardé un petit peu. Et comme c'était un peu de la musique de colère... C'est ça. Ouais. On n'est pas resté très longtemps. Parce que nous, on était plutôt des mecs zen. Ouais, ouais. Nous, la bagarre, ça, c'est pas notre délire. Non. Là. Mais c'était vachement bien quand même. Moi le peu que j'ai vu, j'ai bien aimé. Ensuite, vous avez été vous placer pour recharger de l'argent. Je m'en souviens parce que moi, j'ai été voir directement Killwitch. J'ai regardé tout le concert de Killwitch que j'ai adoré, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, il y avait Killwitch. Oui, vous non. avez vu un non, peu aussi. Un petit peu, mais de loin. Alors, ouais, de loin, vous avez vu un peu de loin. Et après, on a été prendre une claque. Voilà. Sous la vallée. Hein, on a là. Alors, tout simplement. Je me souviens qu'à la fin de la saison, enfin, dans les derniers épisodes, je disais que j'avais un petit doute sur le côté black metal. Sincère et tout. En vrai, avec ce que j'ai vu là-bas, je m'en fous parce que Enfin, voilà, c'était trop bien, quoi. Bah ouais, c'est quoi qu'il arrive, ça reste des musiciens. En live, le côté black metal ressort beaucoup plus et encore plus que sur album. Et ça marche trop bien, quoi. C'était musical, c'était beau, c'était top, quoi. C'était vraiment excellent. Bah ça t'emporte, on peut dire. C'est ça. C'est un peu ça, hein. Carrément. Chiant, hein. Et en plus, c'est là qu'on a vraiment pu remarquer peut-être une différence avec l'année dernière, mais il y avait zéro slam. Il y avait, ouais. On a vu le mec qui slame tout le temps, là, une espèce de barbu avec un déguisement paillette, là, ou je sais pas quoi. Ouais, ligne du rouge et jaune. Enfin, il y a toujours des déguisements à la con qui slame, qui passe sa vie à slammer, ce mec-là. Voilà. C'est un slammeur. C'est ça. Et là, il ne bougeait pas. Voilà, il était pris par le truc. Ouais. Et c'était franchement très bien. Donc, de mémoire. Et même le chanteur avait même. Lui aussi, ouais. Je regardais. Des fois, il avait des expressions. Il avait des expressions, genre de surprise. Ouais, quoi. Il était surpris de voir à quel point le public était réceptif. Ouais. Dire merde, putain, j'ai l'impression de pas être dans mon élément, mais en fait. Ça marche. Ça marche carrément, quoi. Ouais, non, c'était vraiment. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en le voyant aussi, des fois. Ah, ouais, c'est génial, quoi. Et du coup. Non, c'était. Très, très bien, Zillion Ardor. Et du coup, de mémoire d'homme, après, nous sommes. Pardon. Nous sommes repartis, je crois. Oui, on a été faire une petite pause. On a été faire une petite pause. Hein. On a pris le parti de louper. Parce qu'on a su que Baroness faisait un concert acoustique. Un concert acoustique. Parce que le batteur, à cause d'une urgence familiale, n'avait pas pu être présent. Donc apparemment, de ce que je sais, ils ont répété la veille au soir jusqu'à plus d'une heure du matin pour être prêts. Et ça, apparemment, il y avait par contre une vraie émotion, ils ont dû finir en larmes, de ce que je sais. Ouais, ils ont vraiment, il y avait un vrai truc, une émotion de dingue. D'accord. Je suis pas venu pour chialer. Non, mais il paraît que ce concert, vraiment, j'en ai entendu beaucoup parler, il paraît qu'il a été génial. Ça va, et je connais pas moi Baroness du tout à la base, donc non, vraiment pas. Choc me. C'est seulement ce que je connais, donc. Mais c'est pas grave. Je reconnais tout de suite, moi. Première note, Baroness. On ira les voir l'année prochaine. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Pas grave. Okay. Ouais, jamais deux sans toi. On fait ça. Non, mais en vrai, voilà, ça devait être cool quand même, quoi. Oui, non, je dis pas. Mais on était en train de se poser un peu. Je connais pas assez pour reconnaître les morceaux en acoustique. C'est vrai, on était bien. On a aussi raté Alice in Chains. Mm-hmm. Joe, lui, plus tard, m'a dit l'avoir vu et avoir dit c'était pas bien. Je dis oh, quand même. J'ai été voir le live et j'ai fait c'est pas bien. Ouais. Donc voilà, il y avait aussi. Je retourne un tout petit peu en arrière. J'ai jeté un œil à Batushka vite fait. Les mecs sont bien, ont des vrais déguisements. Hein. Voilà, c'est tout, je voulais dire. D'accord, ok, d'accord. C'est bon à savoir. Voilà. Merci. Donc après, nous sommes retournés sur le camp pour sur le fest pour Cadavar. Alors, qui passait en même temps Cadavar. Donc normalement, ce fut compliqué. Normalement, on aurait dû voir un peu de Cadavar, un peu d'At The Gate ou un peu d'At The Gate, un peu de Cadavar. Voilà. Malheureusement, la roue a pris du jeu. C'est ça. Et Bob a eu un petit souci. On peut dire que t'as vrillé. Mais dans le bon sens. Ah non, j'ai pas vrillé, non. Moi, je te parlais qu'on a raté un peu Cadavar parce qu'on s'est fait alpaguer par Jack Daniels. Ah oui, non, ça. Oui, mais c'est ce qui t'a. Oui, mais c'est ça qui t'a. Ah bah, c'est ça. Qui t'a mené à ta perte. Mais c'est de ta faute, en fait. Bah. Parce que moi, j'y allais, moi. J'étais bien, j'étais frais, j'y allais. Puis j'y merde, plus de Jack. Hop, je retourne. Puis je vois Jack. Cadavar. Hey Jack Daniels. Jack Daniels. Cocktail offert. C'est bien le hip, hein. Ouais, et puis moi j'étais avec Steph et on était devant Cadavar. Voilà. Et c'était super bien. Et moi j'ai adoré la gueule à Jack arriver avec son cocktail et sa petite paille. Et une petite paille. Ça avec la paille. C'est le petit détail qui est important. La paille. La paille. Il fallait voir ta gueule surtout. Mais je fais exprès. Fier de lui, avec ça. Parce que je savais très bien qu'il n'y avait pas plus ridicule que de boire un cocktail Jack Daniel avec une paille. Donc il était très bon d'ailleurs. Très très bon, mais il fallait en faire des caisses. Et du coup, Cadavar. Bah, on arrivait un peu sur le tard, mais voilà. Quelle lumière, quelle. Ouais, c'est clair. C'était complètement et puis, dingue. Voilà, Cadavar, quoi. Ouais. Du coup, pas The Gate. Pas du coup. Ça m'a fait un peu chier, ça. Ça m'a un petit peu mis de. Je retiens un peu de Jack, là, sur ce coup-là. Jack et Daniel, ceci. Les deux. Les deux. Du coup, pas de Iron Maiden non plus. Enfin, on l'avait vu un peu sur écran géant, nous, au VIP. Ouais. Oui. On l'a vu un petit peu. Donc après, nous sommes partis manger vite fait une demi-pizza. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est là que j'ai dit, allez, viendez les copains, on va les guincher. Voilà. Et on a été voir Ensiferum. Tout à fait. La fin. C'était une super idée. Ensiferum, c'était pas terrible. C'était juste génial. Je me suis fait chier de long en large. C'était génial. Ah, c'était top. C'était je suis resté assis, c'était vraiment excellent. Du coup, c'est un peu le moment où moi... Et on a vu un Leprechaun, d'ailleurs. Oui. Mais il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel, ni peau d'or. J'étais cool. Déçu. On a ramé aussi. J'étais déçu. Ouais, on a ramé aussi. Et ouais. Du coup, bah, c'est là qu'après, moi, j'ai décidé d'abandonner mon métier de photographe. J'ai décidé de ramener au camp mon appareil photo et d'être détendu pour la fin de soirée. Voilà. Et pendant que vous, bêtement, vous avez dit « on va voir Marilyn Manson !» Oh, c'est ma faute. Je t'arrête tout de suite. On a fait des câlins entre-temps. Non, ça a été sur tout le long, ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est tout, tu m'arrêtes tout de suite. Oui, c'est tout. D'accord. Donc du coup, clairement, on peut dire que c'est parcimonie que c'était un peu la star qu'elle voulait voir depuis toujours de toute sa vie. Voilà. Ouais. Qu'on a pourtant prévenu... Moult fois qu'on a été voir pour elle en 2015 en disant non, tu sais, c'est de la merde, c'était pas bien, c'est un sale con. Et pourtant, elle a voulu se faire son propre idée, ce qui est respectable. Ah, totalement, totalement. Donc, tu peux nous commenter ce que t'as vu? Alors, en fait, c'est le pire concert que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ah, oh, mince, mais vraiment, hein. Et franchement, j'ai trouvé ça pathétique et j'étais très déçue, mais pour lui en fait, pas vraiment pour moi. Mais franchement, tu te dis, franchement, comment il a fait pour en arriver là? Bah c'est non, parce juste que toi, tu t'en fous, t'as vu pas mal de choses. Voilà, super, c'est juste. Bah ouais, ça craint. Je pense quoi. Qu'il est, il est monté par le chemin des artistes, puis arrivé sur scène, il a pris un micro. Ouais, enfin, ouais, vrai, non, mais vraiment. Moi, je suis resté 3 minutes. Nous, on a vu 3 morceaux. Non, trop, et, trop. On a regardé, trop. J'ai regardé 3 morceaux et je me suis dit, non, c'est pas possible, faut qu'on s'en aille parce que c'est en train de péter l'ambiance. Mais vraiment. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, non, vraiment. Bah, après Nancy Ferrand, tu vas voir Marilyn Manson, je suis désolé, mais là, ça te bousille, ça te casse les pattes. C'est un peu ça. Ah ouais, du coup, après, moi, entre deux, j'avais été jeter un œil à Exodus. Parce que j'avais bien aimé deux, trois trucs. J'avais bien aimé deux périodes d'Exodus, pas tout, mais deux périodes. Et en fait, on est tombé vers le groupe Exodus à l'ancienne avec le mur d'ampli Marshall. Ah, c'est le feu creux à l'intérieur. Sûrement. Du coup, j'ai regardé un peu, j'ai fait. Non. Et donc, après, on s'est retrouvé à la Warzone pour Turbo Negro. Ouais. Exact. Et là, c'était le final en apothéose. C'était la fête. C'était la dance. C'était vraiment excellent. C'était le vin rouge. C'était top. C'était très, très sympa. Cool. Et c'était le dernier concert de cette édition. Ouais. Et on est reparti. Tous. En traînant des pieds, tout triste. Ouais. Donc, on peut dire quand même une édition fort de bons concerts, de rencontres. D'ailleurs, on a encore quelques témoignages de gens tout à fait. Qu'on peut lire. Donc du coup, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, juste avant, je pense qu'on pourrait peut-être juste faire un petit retour sur le VIP, toi qui l'avais pas vu avant. Alors le VIP, ouais, bah en fait, c'est pas aussi bling bling que on peut le penser. Non, déjà. Pas. Moi, j'ai bien aimé le bassin. Mmh. Quand on est arrivé le vendredi, le jeudi, quand on était à la pose de bracelet, où c'était marqué baignade interdite. Ouais. On est repassé le lendemain, les panneaux étaient arrachés. J'ai pas compris. Sinon, l'intérieur, non, franchement, c'est pas aussi. Non, franchement, non, c'est super beau. C'est sobre, c'est super bien fait, c'est propre, c'est beau. C'est, voilà. C'est vrai que ça, j'avais dit que c'était bien fait. Et au niveau de l'ambiance, bah, l'ambiance est plutôt cool. Franchement, c'est pas du tout. Voilà, il n'y a pas de. Tu peux croiser plein de gens. Voilà, c'est ça. C'est très très sympa. Il a fait un câlin avec le chanteur de Black Bomb. Mais oui, il était très gentil. On en a loupé pas mal. Ah oui, par contre, oui, il faudrait y être plus souvent. Je sais que de ce que j'ai pu voir, Nico y était plus souvent que nous. Tu peux pas être partout, voilà. Ah, j'ai vu pas mal de photos où il y avait pas mal de personnes, voilà. Mm. T'as fait un câlin au chanteur d'horreur aussi, quand même, n'oublie oui. pas. Ouais. Mais lui, on l'a croisé, il était en train de courir de la Warzone à je ne sais pas où. Et câlin. Et câlin, voilà. Du coup, le mec sympa. Donc on a raté un peu Nico parce qu'on n'a pas réussi à se contacter au bon moment, ça marchait pas. Donc, mais je vais quand même demander au nom de lui et de son podcast Entrepod ce qu'ils avaient pensé donc du fest. Et voilà ce qu'il m'a écrit. Le Hellfest 2018 pour l'Entrepod, en quelques mots, c'était le concert acoustique de Baroness, soit une heure de douceur et d'émotion dans un monde de brutes parce qu'on est un peu des garçons sensibles. Les concerts de Septic Flesh, Satyricon et Neurosis, parce que si ça ne tabasse pas un peu, autant aller prendre un goûter au lait de soja avec Gandhi. Steven Wilson et A Perfect Circle, parce qu'à l'Entrepone, on a du high level culturel et on ne mégote pas sur la qualité, monsieur. Bon, ok les gars, ça nous arrache un peu la gueule de le dire, mais on s'est un peu regardé les tongs sur Carpenter Brut. Heureusement, le punk crypto-gay de Turbo Negro est venu sécher nos larmes dans une grande farandole de cuir et de mascara. Retour plus détaillé et illustré de somptueuses photos sur le blog de l'Anthropode très prochainement. Et comme j'ai dit à Nico, bien sûr, une fois que ça sera disponible, on mettra le lien aussi sur notre page, parce qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'en plus, ils ont l'air un photographe qui est plutôt pas mauvais, donc il faut faire du partage dans la vie. Il a tenu à ajouter une dernière chose. J'ajouterai que ma plus grosse déception du Hellfest, c'est simplement de ne pas avoir réussi à vous croiser et vous payer une bière. Et je suis d'accord. Sache, Nico, que c'est aussi une très grosse déception de ne pas nous avoir payé une bière. On aurait bien aimé avoir... C'est pas faute de t'avoir contacté. Hein, mais coup, bon, les tenants et les aboutissants, des fois... Hein. Tout à fait. Donc, du coup, j'ai aussi le retour de notre ami Julien, qui m'a clairement dit... Le site et les concerts étaient top, dommage qu'il y ait des gens. Orden Hogan et The Texas Chainsaw Dustlover pour les découvertes, Rise Again et Bullet for My Valentine pour ceux que je connaissais, et on rencontre les personnes... Je lui ai parlé de demander s'il avait fait des rencontres, il m'a dit les personnes à côté de moi pendant Maiden. Parce que voilà, il a dit... pour lui, c'était un super fest, c'était génial, mais je n'aime toujours pas les gens, ça vient de moi, et je ne suis pas hypé par les têtes d'affiches de l'année prochaine. Chut. Tu spoil, lui. Oh, ne spoil pas. Et en gros, pour avoir discuté un peu avec lui, en fait, ce qu'il a vraiment pas aimé, bah, par exemple, c'est pendant Maiden, les trois quarts de personnes assis sur des chaises, qui étaient en mode oui. Bah, camping, ouais. Allant jusqu'à laisser les chaises sur place avant de partir, genre, ouais, c'est bon, ça casse le coup. Donc, il devait y avoir plein de gens qui ont récupéré des chaises après. Vraiment, il y avait moyen de récupérer. Carrément, ouais, ouais, vraiment, les mecs s'en foutaient. Je dis, bah, c'est bon. Donc, il y avait une espèce de trop plein de gens à certains endroits qui ont été gênants pour lui. Ça en fait, peut se comprendre, ouais. J'ai un peu l'impression qu'il a eu le retour qu'on a eu l'année dernière sur les gens et le public, que nous, ouais. On n'a pas forcément eu cette année. Ouais. Après, c'était des concerts en main stage pour la plupart, parce que les gens l'ont gêné. Ouais. Pour le reste, moi... C'est assez logique. Voilà, nous, c'est vrai que c'est un peu des scènes qu'on évite maintenant, parce que tu profites et pas trop du spectacle. Et pas trop de l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça peut gêner. Bah oui. Ou alors, il faut avoir un endroit où t'es pas trop mal placé, mais c'est vrai que bon, il y a plein de gens qui viennent voir que les main stage et tout ça. Mm-hmm. D'autres retours peut-être par chez vous ? Alors moi j'ai le retour de Stéphanie. C'est vrai ? Qui a été avec nous beaucoup dans le week-end. Une bonne partie du week-end de métal. Que moi j'ai beaucoup apprécié franchement d'avoir une nénette avec nous. Elle franchement sympa, j'ai trouvé ça super cool. Et donc du coup elle a fait plein de découvertes de groupe, des belles rencontres humaines. Elle a beaucoup rigolé. La mamie. Beaucoup d'émotions par contre à la fin du festival. Elle parle de nous, hein. Rencontre humaine, bien rigoler. Hein. C'est de nous qu'elle parle. C'est la fin, ça. Comme quoi on donc, rigole avec nous. Elle disait aussi que quand elle est sortie du site à la fin, en fait, elle a pleuré tellement c'était. On était génial. Émouvant, ouais, voilà. Fin... Et donc, que, en fait, temps, c'est une grande partie grâce à nous. Ah. Elle a passé un bon festival. Donc, vous voyez. 97% grâce à nous. Donc, ouais, ouais. Vous voyez tous les auditeurs là, hein. Vous pourriez être comme elle. Voilà. Et ouais, passer des bons moments avec nous. Non, mais franchement, c'était sympa de faire un festival avec une nénette en plus. Ouais, bah ça, c'est vrai que pour toi, je comprends. Et c'était pareil pour nous. Et ben, on s'est fait la remarque. On est bien là. C'était. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire. Bon, elle viendra commenter si elle n'est pas d'accord avec son avis, mais on a montré en fait ce que c'était à Steph que le Hellfest, le fait d'aller voir des vrais concerts, de passer des bons moments avec des gens. Voilà. Et que c'était comme ça qu'il fallait le vivre. Tout à fait. Le Hellfest. Bah, c'est ce qu'elle dit. Hein. Ouais, ouais, non, mais... C'est exactement ce qu'elle dit. Enfin, donc, c'est vrai que c'était une super rencontre et que c'était très cool qu'elle soit avec nous pendant tout le week-end. Et, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir des gens. Même Laurent hein, qui était. Ouais, c'est dommage. Laurent était très sympa dommage, aussi. Franchement. Ouais, franchement t'as un retour de Laurent ? J'ai un retour de Laurent. Alors, faut que je le retrouve. Oui, parce qu'en plus, il a un retour qui est assez intéressant et qui est assez parlant dans ce qu'on disait justement. Alors, je vais essayer de revenir. Alors, je vais te lire celui de Chris, moi, en attendant. Très, très bien. Qui voilà, est Chris, qui est un pote à nous. D'accord. Voilà. Donc, salut Bob. Il n'a pas marqué ça, mais... En un mot, je dirais que pour moi, cette année, ce fut le Hell Warzone Fest, avec des superbes prestations de Madball, Terror, Hellbreed, Get the Shot. C'est un grand malade, forcément, de la bagarre. La bagarre. Toujours impressionné par la beauté du site et de ses décors, une organisation plus qu'au top. Rendez-vous l'année prochaine pour Slayer. Voilà. C'est vrai. Merci à toi, Chris. Il est sympa, ce Chris. Ouais. Vous allez vous aimer. Ah bon ? Pas vraiment ? Non, ah non, pas non. Ah, ah bon ? Non, désolé. Ah bon ? Désolé. D'accord. Donc, Laurent, en homme très sympathique, nous a filé aussi pas mal de trucs à écouter. Je suis désolé, j'ai toujours pas... eu le temps d'écouter, mais tu en as filé à peu près 75. Donc ah oui, quand même. Bah, il a filé vachement. Oui, moi aussi. Donc, il a aimé... en fait, son point de vue qui est intéressant, c'est qu'il a aimé certaines prestations et l'ensemble du fest, mais pour lui, c'est compliqué de séparer l'humain du musical. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que le fest lui permet de revoir beaucoup d'amis intimes chaque année, et pour lui, c'est presque plus important que le cadre, en fait. Même s'ils n'agacent rien de voir de super artistes et concerts, en gros, la plupart de mes potes sont plutôt de l'Ouest et de Nantes, nanana. C'est un peu l'occasion rêvée, cette année, leur présence a été plus qu'importante, voilà. Pour lui, ça reste un festival qui est hyper humain pour certains, malgré la taille du truc maintenant. Je veux dire, lui, il a vraiment kiffé ça à de... Ce côté humain, il l'a vraiment apprécié encore plus, quoi. Ouais. Mm-hmm. Lui, c'est presque ce qu'il vient chercher en premier, quoi. Okay. À côté de ça, il a vu... À contrario de certaines personnes... J'aime pas les gens. Non, ouais. Tu peux, mais j'aime pas les gens non plus, tu vois. Et pourtant, j'ai fait plein de rencontres cette année, on a vachement rencontré de gens. Mais en fait, c'est un peu, ça suit la logique de ce que je dis, j'aime pas les gens, mais dès que les gens, ils rentrent un peu dans ta zone et que tu discutes avec eux, ça devient pas pareil, tu vois. Ça devient plus les gens. Voilà. C'est exactement ça. Il tient à préciser qu'il a pris une grosse claque avec Limp Bizkit, l'un des meilleurs shows de ces trois jours, hyper en place, guitariste super créatif, très bon esprit. Bain de foule du gratteux dure un moment, nanana, super son, c'était vraiment une tuerie. Deftones, bien, même si j'aime moins les vieux titres, plus rap metal, leur musique un peu atmo façon Radiohead, mid metal me convient mieux. On souffre pour Chino Moreno, d'ailleurs, son chant est poignant, c'est vrai que ça, Chino. Ça, oui. Saor, ça, je vous en avais causé. Mm-hmm. Judas Priest, excellentissime, même si je ne suis pas super objectif, voilà. Ah, et il a bien aimé 7-8 et surtout Uncommon Man from Mars, vraiment chouette sur la Warzone, mais j'en avais peut-être parlé à Bob, je ne sais plus. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, bah voilà pour les retours qu'on a pu avoir voilà. Par mon vos. Bon, j'ai envoyé plein d'autres bouteilles, mais qui ne sont pas arrivées. Ah oui. Peut-être revenir. Comme qui? Bah comme. C'est une question anodine ou tu sais déjà? Non, je voudrais que tu me dises voilà. Donc j'ai demandé à Hollywood Vampire. Ah tiens. Hein. En faisant quoi? T'as envoyé quoi comme message? J'ai envoyé un... Quoi? Qu'est-ce que je comprends pas. Bah, j'ai envoyé un message pour savoir... Est-ce que t'aurais pas envoyé le même message qu'à Orange Goblin? Non. Non, pas du tout. Non, parce que j'ai été voir Orange Goblin, j'ai adoré. Franchement... Voilà. Je leur ai dit à Hollywood Vampire que j'avais pas été les voir, que je suis pas un gros fan et que... Voilà. Et que tu voulais quand même avoir leur ressenti. J'aime bien Johnny Depp sur ses vieux films et que... Voilà, j'ai développé un peu plus, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'en ai envoyé un à Zillon Ardor, Antiferum, Bukowski, Ed Breed, Get the Shot, Benighted et Dedo, pour avoir un retour aussi d'un artiste autre que chanteur. Enfin, si, il est chanteur, mais pas. Oui, c'est vrai. Il faisait pas partie du. Et chanteur, ah ouais, oui. Oui, dans Princesse Leia. Voilà. Mais Donc voilà, mais je n'ai pas eu de retour. Mais du coup. Peut-être, tu n'as pas eu de retour pour le moment. Pour le moment, ouais. Voilà. Ah, sinon, si, j'ai le retour de Joe. Parce que je lui ai demandé quand même. Donc. Ah, ça nous intéresse. Alors, pour Joe, non, c'est trop le bordel à la maison. Oh non. En plus, je suis du matin. Voilà. Merci, Joe. Merci, Joe. C'est le meilleur, allez, mec. Joe. C'est le meilleur. Allez, je crois que c'est le plus objectif hein, de tous. Hein, c'est. Voilà, c'est le... Je ne sais pas comment ils sont combien dans sa tête. Qu'est-ce qu'ils vivent Arrêtez, il nous a fait beaucoup rire. Oh, mais on n'était pas là, nous. Mais aussi, si il était drôle, par avec moment, la tente aussi, et tout. Aussi, ah oui, oh, bah oui. Oh, bah il nous a fait beaucoup rire. Aussi, mais on a beaucoup rigolé. Si. Sachez que les chaises pliantes passent dans les petits trous des cartons. Et que les tentes sont hyper résistantes. Hyper résistantes. C'est assez impressionnant. Bon, au bout de 6 ou 7 coups de pied dedans. Ah oui, bon, ça agrafe, flash. D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour refaire un petit retour là-dessus. Après avoir fait les Tipeee, les cartentes, voilà. Ah bah, cartentes, hein, franchement. Cartentes, hein. Ouais. Même si l'entrée est super chiante. Ouais, je suis d'accord, l'entrée est super chiante. À côté de ça. Mais au niveau de l'ambiance, dire, tu te lèves, si tu fais un peu plus d'1m30, tu peux voir des gens. Déjà, c'est plutôt sympa. Non, c'est beaucoup plus convivial. Ouais, c'est non, mais alors, c'est plus convivial. Enfin, on a trouvé ça plus convivial que le Tipeee parce qu'effectivement, on restait dans notre Tipeee. Ouais. Et que les Tipeee sont agencés de manière à ce que c'est un peu moins facile. Et puis, c'est beaucoup plus large. Donc, pour te dire voir des gens, faire le tour, machin, c'est moins évident. Oui, puis les gens sont dedans, en fait. Voilà. Alors que... Parce que les cartes, c'est beaucoup plus... Je crois que vous avez juste bien choisi l'emplacement aussi, quoi. Vous avez choisi où vous mettre. C'est moi qui ai choisi. Bah, voilà, vous avez bien choisi, en fait, aussi. Parce que tu peux être à côté de gens qui ne vont pas du tout être dans le festif et... Oui, mais là, ça, on n'a pas choisi en fonction des gens. Bon, en fait, je pensais à me dire ne pas être trop loin de l'allée, ne pas être trop loin des chiottes au cas où j'aurais envie de vomir. Et du coup, tu vois, eh ben, nickel. Et on était pas trop loin des toilettes pour... C'est vrai. Et mais non, et en fait, c'est vrai que ça permet plus facilement des contacts, mais même en termes d'utile, la cartane fait totalement le taf, en fait. Hein. Carrément. Bah, oui, si tu te charges pas trop, et ce qu'encore, on a encore un peu merdé de ce côté-là, on est vraiment qu'on travaille encore là-dessus. Hein. Oui, c'est sûr. On pourrait vraiment... Je pense qu'il y a moyen, de faire mieux. Vraiment. Faire c'est un clair. Petit sac à dos chaque Mais du coup... Il y avait quand même, t'es bien dedans, t'as de la place. Vous aviez déjà viré les 2 lits de camp pour mettre un matelas, donc c'est rentré nickel, ça l'a fait. Plus confortable, vraiment plus. Bon, moi, franchement, le lit de camp, ça l'a fait. Hein. Et t'as quand même assez de place devant pour mettre ton sac, le mettre au fond. Enfin, ça le faisait nickel. Tu t'es pas fait mal au dos? Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Non, non. J'avais juste froid la nuit, mais pour le coup, c'est pas la faute de la cartaine. Et ça garde plus la fraîcheur et aussi. Et la fraîcheur la journée, on avait les bières qui étaient encore fraîches. Ouais. D'ailleurs, tant que j'y pense, je pense qu'il est peut-être le moment aussi de remercier notre sponsor, Mont Blanc. Avec Recrolé. Ouais. Merci Mont Blanc. Autant merci l'année dernière, on avait eu peur parce que ça avait pris la chaleur. C'est ton beau-frère, c'est ça? C'est mon beau-frère. Merci ton beau-frère. Mais quoi? Mais non, c'est Mont Blanc qui nous a fourni ça gracieusement. Bah, c'est ton beau-frère ou ton blanc? Parce que Mont Blanc, c'est aussi. Ton blanc. Non, mais en tout cas, ça a fait vachement le taf. Ah bon, on peut la mettre à toutes les sauces. Hein. Ouais, mais faut pas trop la tuer. Takumba. En tout cas, ça a bien fait le taf, les Recrolé. Totalement. Ça a plutôt nourri comme on... ça, son homme. Ça a nourri son homme. Les cacahuètes, les arachides. C'était bien les arachides. Oui, c'était sympa. Je n'ai pas mangé beaucoup. Ah bon? Bah moi non plus, mais après bah c'était plus le jeudi quoi sur le. Ouais, le tuc le petit moins, apéro. Le tuc a moins fait son office. Ah, il a moins fait fureur. Ouais. Ouais, le tuc était pas. Mais le tuc bacon n'est pas. Le bacon en général dans les gâteaux, ça passe pas très bien. D'accord. Non, bizarrement. Bon, en tout cas voilà la cartente. Moi j'aurais tendance à dire l'année prochaine rebelote. Ouais. Pareillement. Oui, parce que d'ailleurs, en fin d'épisode de l'année dernière, on était, même en fin de saison, on était, même au début de l'autre saison, on était moins sûr de retourner à l'édition 2018. On avait une grosse hésitation, alors que là, on n'a juste qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, c'est ça. Déjà, ça on a complètement... Y aller tout de suite, on s'il pouvait l'avancer au mois de septembre, déjà, ce serait... Bah, financièrement, ce serait pas simple au mois de septembre. Parce... Oh, bon, on s'arrangerait. D'accord, on peut s'arranger. On vendra un gosse ou... Du coup, je pense que c'est le moment de revenir sur la conférence de presse de, tout à fait. De Ben. Tout à fait. Donc, dès le dimanche à 19h30, Ben est venu faire son petit bilan des trucs. Et pas à 9h30. Et non, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était le matin. Mais... Donc, premier point, le bilan. Pas moins de 180 000 festivaliers sur l'ensemble des 3 jours. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ça va, ouais. C'est plus que l'année d'avant ou pas? Ouais, je pense. C'est plus? Ouais. Donc le soleil a été de la partie, c'est vrai qu'il a fait très beau, mais beaucoup moins excessif que l'année dernière. Plus agréable que l'année dernière. Donc après, c'est vrai que peut-être que les installations ont aidé aussi, quelque part, le fait qu'il y ait de l'eau qui coule, ça rafraîchit toujours un petit peu. Peut-être, ouais. Peut-être. En tout cas, il n'y a pas eu de pénurie d'eau. Et il n'y a pas eu non plus d'incidents, parce que, comme le dit Ben, les festivaliers sont des gens responsables. Il n'y a pas eu de pénurie d'eau, mais il y a eu pénurie de bière. Il y a eu pénurie de bière à un moment donné, ouais. Ouais. À la Warzone. Le dimanche. Le dimanche, c'est le dimanche. Ouais, le dimanche. Mais que à la Warzone. Et que de la grime en plus, non? Que de la grime. Ah, c'est la meilleure. Côté donc nouveauté, revient sur nouveauté. Donc il y a eu les 2 arches en métal en entrée des main stage. Ces 2 arches étaient en fait 2 arches d'eau recyclées, laissant apparaître la nuit des messages. Mais moi je dis que la journée aussi il y avait des messages. Ouais, la journée aussi. Donc il y avait les trucs sur les main stage, les décorations. On n'a pas dit non plus le soir venu. Sur l'entrée de la Warzone, tu avais un chiffre 13 en lumière phosphorescente. Enfin, un truc très, très sympa, très stylé. Il y a aussi quelques décorations qui ont varié. Genre, en arrivée sur la Warzone, au-dessus du bar à muscadet, tu avais avant une espèce de momie. Maintenant, c'est une espèce de rocker. Dans les autres nouveautés, donc la boule de fumée, on en a parlé. D'ailleurs, au final, oui, donc on a loupé un peu tout ce qui était autre animation sur le fest. Parce qu'en fait... Oui, c'est vrai. Hey. Non, pardon, excusez-moi. Moi, par contre, ce que je kifferais, c'est plus d'os comme ils mettent là devant. Pour s'asseoir, dans l'endroit où s'asseoir. Ouais, ça, ce serait top qu'il y en ait un petit peu plus. D'accord. Parce que c'est agréable de bah, tu sais, convivial, justement. Tu sais, bah, c'est comme ça qu'on a rencontré. Ouais. T'es obligé de discuter avec les gens. Enfin, Christophe, ça crée forcément des liens. Donc, tu te poses, toc, puis bah, voilà, tu trinques un coup. C'est pas faux. Mm. Donc, il pourrait y avoir des événements hors période de festival, en dehors du warm-up et du tremplin, liés à la ville de Nantes. Ils travaillent sur quelque chose lié avec Nantes. Est-ce que ça serait une version hivernale? Est-ce que ça serait autre chose? Un plus petit truc, on ne sait pas. Mais ils voudraient travailler avec la ville de Nantes. Sans pour autant laisser Clisson. Clisson, c'est le Hellfest, c'est à Clisson. Ah bah oui. À Clisson, ça ne bougera pas. Mais il aimerait bien... Qu'il ait vendu la marque Hellfest et que... Ouais, ça... Bon, c'est ce qu'il disait de toute façon dans le reportage. C'est qu'il a vendu la marque Hellfest, mais derrière, il cherche à ce que peut-être, ils ne savent pas encore, le Hellfest se... Propage ailleurs. Se propage dans d'autres pays. Mais ça viendra... bien plus tard. Voilà, beaucoup plus tard. Donc, ils pensent aussi pour l'accueil des plus jeunes, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'enfants et de jeunes, et de voir peut-être à créer des systèmes de garderies, des animations, des espaces pour les petits, donc à voir. Parce que c'est ce qui se fait aussi sur beaucoup d'autres festivals. Mm-hmm. C'est vrai qu'hier, j'étais à Beauregard, il y avait toute une partie où il y avait un tout coin pour les enfants, des coins de jeu, donc c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Moi, je suis plus partagé, en fait. Je suis assez très partagé aussi. Moi, j'ai un peu de mal aussi. Je vois... Je comprends les parents qui n'arrivent pas à faire garder et qui veulent quand même venir. C'est juste que pour moi, ça ne reste pas forcément la place des enfants. Tu vois, Caramel qu'on a rencontré est venu avec sa fille de 15 ans. Même si toi et moi, on était un peu partagés sur le fait d'arriver à venir avec sa fille de 15 ans. Ouais. Lui, il expliquait que c'était le bon moment et que ça se faisait bien, que c'était cool. Et ça, je comprends plus. Ouais. Mais les tout petits enfants. Les bébés, ouais. Non, voilà. J'en ai vu un bébé qui avait quelques mois et qui était dans une poussette à la Warzone. Quoi. Non, mais bon. Enfin, dans une poussette, dans un. Voilà. Après, chacun fait comme il veut avec ses enfants. Mais c'est vrai ça. Que non, moi, je le ferais pas personnellement. Mais bon, après, non, mais après, entre ne pas le faire et se dire que c'est la place d'un enfant, c'est encore deux choses différentes. Ouais. Moi, je le ferais pas, mais je pense que c'est pas non plus la place d'un enfant. Non. Donc, mais s'il y a effectivement des parents qui ont personne pour le garder, donc, il peut y avoir plein de raisons, quoi. Pas d'annonce prévue, pas d'augmentation prévue sur le prix de la prochaine édition. Mais s'il y a le cachet des artistes ou des choses qui peuvent changer, là, il pourrait y avoir une augmentation. Mais comme il a tenu à bien le préciser, c'est une association, le Hellfest. Donc, ils ne tirent pas de bénéfice de tout ça. Donc, s'ils augmentent, ce n'est pas pour eux. C'est pour forcément remettre dans le festival. Ouais. Donc, au niveau des annonces, bien entendu, pas Metallica, pas d'ACDC en 2019. S'il y avait des groupes qu'il aurait voulu avoir cette année, il aurait bien aimé avoir Nine Inch Nails. Mais le groupe s'est consacré à que des festivals éclectiques. Donc, il n'a pas pu venir. Ça, c'est un groupe qu'il aurait aimé avoir cette année, qu'il n'a pas réussi à avoir. Ça fait aussi des années qu'il aurait bien aimé avoir Tool. Ils ont eu A Perfect Circle, mais bon, pas encore tout à fait Tool. Et Bob, tu nous disais que justement, le chanteur de Tool a quelques soucis. Donc voilà. Ça va peut-être reculer l'échéance. L'échéance, totalement. Du coup, le Hellfest édition 14 se déroulera le 21, 22, 23 juin 2019. Et grosse surprise, dimanche soir, vers 23h. Je crois, après Iron Maiden, ils ont annoncé les 5 premiers groupes de l'édition donc de 2019, à savoir Carcass, avec un C, Dropkick Murphy, Mass Hysteria, qui apparemment sera là pour leur plus gros concert. Il y aura une surprise, apparemment. Ce sera un truc... bien particulier. Voilà. Et les derniers concerts de Slayer et Manowar. Donc, c'est la première fois que le chef... Bien wesh. Non mais vas-y, éclate-toi par si vous. Non mais surf sur ton téléphone. La facette, vas-y, c'est parti. C'est Facebook qui délire. C'est Facebook qui délire, mais qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Je te le demande. Je touche simplement mon téléphone. Non, t'es en train de surfer. Non, je fais ça. Bah oui, pourquoi tu fais ça? Je regardais ce que t'avais écrit tout à l'heure. Ah c'est bien le moment, tiens. Je suis en train de parler. Oui, merci, je sais, c'est moi qui ai écrit. Je regardais. Bon bref, c'est la première fois que le festival annonce autant en avance 5 noms, enfin je crois. De mémoire d'homme. Ouais. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant avec cette annonce, en tout cas cette première annonce, c'est que déjà, ça brasse large. Quoi. Tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant. Ouais. Bon, on va pas se mentir, hein, l'avenue de Slayer, pas vraiment une surprise. Oui, oui. Voilà. Mais ça fait bon, ce sera la dernière fois qu'on pourra les voir, donc tant mieux. Mm. Donc du coup, est-ce que vous avez des attentes, vous, en termes de groupe, sur l'année prochaine? Oui. Ah. Mais après, c'est toujours pareil. Voilà, Clutch va ressortir un album au mois de septembre. Donc, ouais. J'aimerais les voir au Hellfest l'année prochaine. Y a des groupes que j'aimerais bien avoir, des petits groupes, mais ça, c'est toujours pareil. C'est, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? J'aimerais revoir House of Broken Promise, que j'avais vu il y a quelques années. J'aimerais voir Sasquatch au Hellfest, bien qu'il y a peut-être des chances que on y aille en octobre, à Nantes. Qu'est-ce que... Non, après, en gros groupe, j'ai pas plus d'idées que ça. Ouais, Dropkick, moi, ça me plaît bien. J'aimerais revoir Rancid un peu moins bourré. Le chanteur? Ouais. NoFX, j'aimerais bien les voir. Je les ai loupés plusieurs fois. Ça me ferait bien plaisir de les voir. Après, bah, c'est toujours pareil, hein, de la découverte. C'est ça. Comme cette année, quoi. Moi, j'ai été largement satisfait de l'édition 2018, hein, musicalement. Dû qu'on ait on ait découvert l'affiche en direct sur le podcast et qu'on ait fait un ventre mou. Et en fait il s'avère qu'on est totalement satisfait de nos concerts, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu découvrir. Et encore une fois, merci le Hellfest pour ça. Ouais, c'est clair qu'on a là cette année on a clairement fait une mauvaise réaction et des a priori énormes et qu'on... Mais c'est bien, c'est... Ouais, mais justement, cette édition nous a vraiment prouvé à quel point on devait vraiment, en fait, faire confiance. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, carrément. À tous les niveaux. Ouais. On s'est peut-être posé beaucoup de questions sur certains trucs, comme bah, l'avenue de Dialek ou même Aurore, et au final, on s'est rendu compte qu'il fallait faire confiance et découvrir, et c'est ce que... On n'a jamais autant découvert de groupes que cette année. Ouais. On n'est jamais arrivé aussi préparé. Et... Bah, musicalement, ouais, c'est vrai qu'on a écouté tous les groupes. Moi, j'ai pas écouté tout, je pense pas, parce qu'il y a certains groupes de black metal que j'ai pas été écouté parce que je savais que ça allait pas forcément me brancher, qu'il y aurait d'autres trucs que j'aurais envie de voir. Mais voilà, non, très très bonne surprise. J'ai pas été voir Steven Wilson, par exemple, donc ça, c'est une très bonne surprise. Ouais, t'as vu. Non, sinon, bah, voilà, quoi, y a toujours ce côté humain. Il y avait moins de, pour ma part, comme j'aime à le dire, j'ai eu moins l'impression de voir de touristes. Bah, c'est vrai, c'est un peu ce que j'avais dit comme bilan enfin, le dimanche, c'est que j'ai l'impression que le Hellfest a retrouvé un festival de vrais fans. Ouais. C'est, enfin, en tout cas, on retourne vers un Hellfest un peu plus underground et moins... En tout cas... sur les scènes qu'on a vues. Peut-être en main stage, il reste toujours... Ah, mais c'est la main stage. Donc après, voilà. T'as toujours le côté mainstream. Oui. Et vendeur du truc. Comme, après, nous, c'est pas notre truc. Comme énormément de gens, on a bien vu. Hein, sur certains concerts, on a vu que la foule était là, quoi, était présente. Quoi. Ouais. Donc il y a toujours ce côté. Même s'il y avait des gros groupes qui passaient, quoi. Sur les main stage, sur les autres petites scènes, il y a toujours du monde, quoi. Et c'est ça qui est appréciable, c'est de voir que le public est au rendez-vous et que voilà, tout le monde y trouve son compte et que c'est un putain de pur plaisir, quoi, à chaque fois, quoi. C'est vrai. Voilà. Et toi, parcimonie, est-ce qu'il y a des trucs que t'attends ou des trucs que t'as envie de dire de cette édition? Bah, cette édition-là, j'ai trouvé géniale, franchement. Mmh. Je crois que c'est pas ma meilleure parce que j'en ai fait des géniales, mais ça remet un équilibre, en fait, en quelque sorte. Mais moi, je suis toujours très ouverte, en fait, par rapport à tous les styles de musique. Donc, du coup, je savais que j'allais y trouver mon compte, de toute façon. Après, je pense que c'est juste quand t'attends quelque chose d'un groupe et que t'es déçu, quand ça arrive trop souvent sur une même édition, bah, c'est plus difficile d'avaler le truc. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait que des découvertes, que des bonnes découvertes, en fait. Parce que vous avez écouté des groupes et parce que... Mais justement, toi, tu viens de dire que t'étais très ouverte et que t'allais trouver ton compte, mais est-ce que de toi-même, t'allais faire des recherches sur des trucs? Non, parce que je savais que j'avais trouvé forcément des choses qui allaient me plaire. Tu vas au feeling, tu vas exactement. Comme ça, tu bouges à droite, à gauche. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, tout du en coup, me demandant, est-ce qu'il y a des trucs bien? Je lui demande ton avis, forcément, c'est logique. Mais non, en général, j'arrive à trouver. Il y a des choses que j'ai loupées l'année d'avant, que je regrette énormément, comme Wardruna. Enfin, il y a énormément de choses que j'ai loupées l'année dernière. Et c'est vrai que si je les avais écoutées avant, j'aurais certainement été les voir. Donc, c'est sûr que voilà, faut pas avoir d'a priori et faut aller rechercher c'est un petit peu. Ça, c'est certain. Et je pense que l'année prochaine, j'essaierai de le faire davantage. Ah, bah tiens. Nous aussi. C'est sûr. C'est un festival. Il faudrait qu'on ait un podcast là-dessus pour. Eh putain, mais carrément. Eh, on pourrait s'appeler. En route pour le festival de l'enfer. En route pour le festival de l'enfer. Ça serait pas mal. Bien ça. Et comme ça, on écouterait un peu les groupes qui passent. Ouais. Non, franchement, c'est vrai que voilà, c'est sûr que ça nous. Bonne idée ça. Mais, et toi, Jack, est-ce que t'as des attentes pour l'année prochaine? Bah déjà comme je l'ai dit, c'était une. De bouffe. Ah ouais. Bah, tiens, en parlant de ça, on n'a pas eu notre bœuf. Déjà, on n'a pas eu notre bœuf parce qu'il n'y en avait plus le dimanche soir, mais ça vous y êtes pour rien, les mecs. Pourquoi il n'y a eu aucune annonce sur les Hell Snake, hein? Il a fallu qu'on soit sur place pour le découvrir. Alors, c'est vrai, il n'y avait pas de nouveauté par rapport à l'année dernière, c'était la même chose. Mais quand même, moi j'avais besoin. C'est le côté aventure, je pense. J'avais besoin de me hyper pour ça. Non, mais je pense qu'ils nous ont laissé un petit côté. Tu vois, c'est non. L'aventure, mec. Après, c'est vrai que cette année, on pouvait payer en cashless de partout. Ça, c'était très bien. Ça, super ouais. Pratique, le système de cashless est très pratique. Le système de rechargement était très, très bien aussi. Ouais. Je veux dire, on y arrivait très bien. Donc, vraiment, on en parle un peu tard, mais c'est vrai que ça, c'était j'ai fait un don, moi, personnellement. Ah bon ? Ouais. Pas moi. Et, franchement, j'ai 30 centimes. Moi, j'avais pas grand-chose de négatif à dire. Le merch, un petit peu, mais en même temps... C'est un truc où genre vous êtes victime de votre succès, donc c'est pas forcément une critique quoi. Ouais, puis après c'est pareil, c'est un choix. Si t'as envie de faire la queue, tu fais la queue. Si tu veux pas la faire, tu la fais. Ouais, mais il y avait peut-être moyen d'arranger ça autrement en fait, tu vois. Ouais. Quand tu vois que la queue est dure pendant 8 heures de temps, c'est peut-être que le système est pas méga bien rodé, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est sûr qu'il y a des mecs qui commencent à essayer des t-shirts, à enlever leurs pompes pour essayer des chaussettes. Enfin, tu vois, c'est. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y avait pas assez donc de. La nénette qui se fout à poil pour essayer la robe, je veux dire, ça prend un temps fou, quoi. Donc du coup, c'est sûr que derrière, ça s'entasse, mais devant, ça passe pas, quoi. Je suis d'accord. Tu vois. Peut-être qu'il faudrait une espèce. Mais ça, c'est de ta faute. Non, je sais pas. Ça pourrait. Parce que ouais, chacun fait son choix, quoi. Enfin voilà, si. Bah nous, on a décidé cette année de pas le faire. Ouais, ça fait 8 ans que je le fais. Là, cette année, non, parce que l'ambiance était là. J'avais envie de profiter de mon fest. Prenez les choses autrement. Il y avait un problème. C'est ce que je veux déjà. Il y avait un problème pour rentrer à la cathédrale il y a 2 ans. Ils l'ont solutionné. Là, il y a peut-être aussi un problème et pour un moyen de solutionner. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Mais t'inquiète, ils vont le faire. Mais bien, mais c'était le. Sur nos conseils. À part ce point noir, il y a eu quoi comme vrai truc pas cool ? Parce que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, qu'en fait, le problème, c'est que maintenant, est-ce que c'est un problème ou pas ? Ça, après, vous me direz, mais il y avait des trucs tellement partout, que ce soit au Well City Square, même au Metal Corner, et sur le site du Fest en lui-même, que partout où tu vas, t'as quelque chose à voir et que tu ne peux plus donc tout voir. C'est impossible. Mm-hmm. Tu dois faire ça, que des choix. Ça, c'est un problème. C'est vrai qu'ils enlèvent des trucs. Ah non, mais est-ce que c'est un problème ? C'est pas ça ? Non, mais ça dépend. Je sais que moi, par exemple, j'ai pas du tout pu aller à l'Extreme Market ou quoi que ce soit. Et on l'a fait. Le Hell City Square, j'ai fait un tour ultra rapide en traversant. Je me suis pas arrêté pour aller d'animation. J'ai pas vu Hodor, qui était soi-disant là, le mec de Game of Thrones, j'ai pas vu. Il était au VIB beaucoup, je crois. Bah, je crois. Je l'ai pas vu. Le World of Warcraft, pas vu non plus. Bah ouais, moi c'est pareil. Hein. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas pu voir et que j'ai pas cherché non plus parce que j'étais pris dans le. Bah parce que t'étais bien dans ton truc. Ouais, tout simplement. Mais justement, c'est-à-dire en fait, c'est devenu un festival où il y a vraiment des trucs tout le temps et c'est assez impressionnant. Après, tout moi je pense qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça aussi. Non, mais pour ça, je suis pas du tout en train de dire c'est une mauvaise chose. Hein. Chacun il trouve son compte en fait. Enfin, mais du coup, c'est vrai que t'as quand même. Je me dis que j'ai forcément raté plein de trucs. Ah bah bien sûr. Ça c'est un peu frustrant. Ouais, ça, c'est un petit peu ce truc-là. Ouais. Bah, j'ai raté ça. J'ai vu plein de super trucs. Et c'est aussi ça, comparé à l'année dernière, peut-être, c'est qu'on revient en disant j'ai vu énormément de super trucs. On en a raté d'autres. Je suis déçu peut-être d'avoir raté certains trucs. Pas dégoûté, mais un peu déçu. Et que c'est vrai que. Il n'y a pas de solution à ça, par contre. Tu es obligé de louper des trucs maintenant. C'est... Ça arrive. Et en fait, je pense que c'est en ça que ça rejoint la théorie de ce que disait Ben quand il disait qu'il était d'accord pour appeler son festival Disneyland. C'était pas pour le côté bisounours et tout ça, mais c'était pour le côté tu as plein de trucs à faire partout. Disneyland, ouais. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Disneyland, ça te. Tu rentres dans un parc qui est totalement isolé du reste du monde et tu es dans un truc Disney où. T'as un milliard de trucs à faire, tu peux pas tout faire. Tu sais pas où donner de la tête, limite. Ouais, et le Hellfest, c'est un peu ça, en fait. Et là, regardez, si on avait fait... alors, j'ai pas réécouté, mais je suppose que dans le dernier épisode, tout ce qu'on a dit, ça s'est pas du tout passé comme prévu. parce qu'on avait un programme, ça s'est pas passé comme ça, on n'a pas pu voir deux concerts à la fois, parce qu'on est resté scotché devant des scènes qu'on n'avait pas prévues. Ouais. Bah bien sûr, donc, on est happé par le truc, et enfin... Donc c'est ça qui est magique en même temps, c'est sinon ça. Ce serait pas drôle. Non, mais c'est pour ça que c'était une édition riche de partout, et que c'était donc une très très bonne édition. Et que... Magique un jour de plus, ce serait pas... Ouais, un jour de plus, ce serait bien. Ce serait pas trop. Parce que dans votre optique, ce serait un jour de plus en soulageant les autres. Non, pas du tout. Ah bah alors ça reviendra au même, on verrait. Serait juste à... Bah pas forcément. Bah tu veux faire ça comment alors? Tu rajoutes une journée. Ça laisse plus de temps. On n'a pas été se marier à la chapelle. On devait le faire, ça. Ça laisse plus de temps pour, voilà, si tu veux dire, tiens, ben voilà, il y a 2-3 concerts qui ne me plaisent pas, ben, je vais aller faire un petit tour à le City Square. Ça, c'était quoi. Jeudi soir qu'il aurait fallu faire. C'est jeudi soir, on s'est mis dedans, bordel. Mais nous, on a été faire un tour au LC Square. J'ai même été tenté d'aller faire de me pendre un pantalon pour gagner un kilt. Ça, c'était pas ce jour-là. C'était un autre jour. Je fus tenté. D'ailleurs, on peut dire que le grand gagnant de cette année, c'est Joe qui est reparti avec plein de t-shirts et de casquettes. C'est ça. Ouais, de Sailor et Lula. Voilà, parce qu'il a fait plein de trucs comme ça. En tout cas, bah, une édition parfaite. Ouais. Riche en émotions. Riche en émotions. Riche en musique. Riche en musique. Riche en calories. En rencontre. En rencontre. En bon moment passé. Voilà. Donc, je ne sais pas. Très bonne édition. Ouais. Moi, justement, j'ai un petit peu le sentiment de retrouver un peu les éditions d'avant où on s'éclatait et on arrivait à faire. À concilier les deux, en fait. Aller voir de la bonne musique tout en s'éclatant sur le camping. Ouais. On arrive à. Là, cette année, ça a été exactement ça. On s'est éclaté sur le camping. On a fait des pauses utiles, agréables. Et on a fait voilà, on c'est a vrai. Pris plein les oreilles. J'ai entendu un c'est vrai sur les pauses utiles et agréables. T'as entendu mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, elles étaient utiles. Putain, mais oui, je viens de l'entendre, Milan. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va, là. On y va, on va pas rester là, faire une pause. Ouais, ouais. Bah, tiens, fais ta maline. Oui, mais je sais. Samedi soir, on a mal aux pieds. J'avais pas mangé. Du coup, en fait, si, il nous manquait juste un truc. Il y a juste un truc qui nous manque. On va résoudre ça. Il nous manque le culte. Il faut qu'on aille au bout du truc. Octobre. Moi, je suis d'accord. C'est prévu. Ça, faut qu'on... C'est marrant parce que, comme quoi, une édition peut te faire complètement vriller la cervelle. C'est ça. C'est complètement ça. Parce que moi, l'année dernière, je n'avais plus envie d'y retourner. Quoi. Bah ouais. Et là, cette année, j'avais carrément envie de... Allez, vas-y, c'est bon, j'achète tous les t-shirts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait d'être autant préparé? Tu vois, parce que mais ça aide totalement. Franchement, d'arriver et de ça voir, tu regardes carrément ton affiche et tu sais exactement ce qu'il y a, ce qui passe, si tu as envie de le voir ou pas. Je me demande même si ça te libère pas un petit peu l'esprit et que tu peux profiter d'autre chose en je pense. Moi, je sais que les moments où je faisais les pauses, c'était par rapport à ça, je regardais ça, j'ai pas tant envie de voir que ça, tant pis. Moi, je sais que je regardais comme ça. Hein. J'avais vu tu peux faire comme ça, ou alors c'était un petit peu plus au feeling, mais c'est vrai qu'en même temps, on est bien tombé sur des... Voilà, c'était des groupes qu'on n'avait pas non plus forcément envie de voir. Donc je pense qu'on a un petit peu réagi aussi comme ça, disant, ça nous laisse 1h30, 2h, tranquille. C'est plus facile de se laisser porter dans ces cas-là, justement, je trouve. Rappelle-toi, justement, l'année dernière. L'année dernière, on galopait parce qu'on voulait pas, on attendait, enfin, c'était beaucoup plus de... Non, l'année dernière, la grosse différence, c'est que vous allez vous mettre en avant, vous mettez en avance très très tôt dans les scènes. Exactement, pour attendre. Et du coup, passait notre temps à attendre, en fait. Bah ouais. Et du coup, c'est dommage. On y a été beaucoup plus au feeling. Bon, après, ouais, t'avais quand même une idée de base de ce que tu voulais voir, mais on les a écoutés ensemble, tous les groupes, en fait. Mm. Donc du coup, on a donné notre avis tous les deux, donc... On n'était pas forcément toujours d'accord, c'est vrai. Ouais, puis je trouve qu'on n'a pas fait un truc trop bourrin, en fait. Ouais, on s'est laissé porter, en fait. Voilà, ça a changé. Regarde, Elung, toi, tu t'es pas éclaté. Moi, j'étais m'amusée quand même. Non, parce que moi, j'avais le dos en rack. Enfin, voilà. Mais il y a ça aussi qui peut jouer. Je veux dire, Marilyn Manson, tu t'es éclaté. Bon, ça arrive. Mais tu t'es éclaté les yeux et les oreilles, surtout. Je te suis brûlé la rétine. Non, mais j'ai même arrêté de le suivre sur plein de trucs. Hein, franchement, vraiment, ça, c'est rédhibitoire. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Hein, je m'attendais pas à ce que ça puisse être aussi nul, un concert, en fait. Parce que j'en ai vu des concerts vraiment beaucoup, hein, dans des petites salles depuis très longtemps, quoi. Et franchement. Même des petits groupes. Hein, des petits groupes, franchement, ils se donnent beaucoup plus que lui. Oui, mais c'est justement la différence. Si tu parles d'un mec qui a déjà sa carrière derrière lui et qui a fait énormément. C'est un branleur, quoi, c'est tout. Ça dépend, c'est ce que les gens venaient voir au début. Je m'en fous. Non, mais c'est ce que les gens étaient venus voir au début. Le mec qui provoque et tout ça, sauf que tu provoques plus pareil quand tu vieillis. Quoi. Et à un moment donné, il faut juste. Bah, il s'est juste plus provoqué, quoi. Enfin, c'est, non, limite, c'est pas pareil. Tu sais, t'avais l'impression qu'il était dépressif, mais vraiment, qu'il était pas bien d'être. Enfin, qu'il était pas bien. Je pense qu'il y a une espèce de. Ça reste le même, sauf que la société et les choses ont avancé, que lui, s'il n'a pas avancé dans ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, t'écoutais son dernier album. Il stagne. Hein. Ouais, c'est ça, il stagne. Bah, de toute façon, oui. Il est... oui c'est artistiquement. Mais après, moi, tu vois, c'est des trucs que j'écoutais quand j'avais 14 ans. Ouais. Donc, forcément, j'avais envie de le voir parce que, bah, parce que c'est des choses que j'aimais quand j'avais 14 ans et que j'imaginais le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est le problème d'un truc comme ça. Regarde, quand par exemple, tu vas voir Limp Bizkit que tu aimais bien à 14 ans, t'es moins choqué de les voir aujourd'hui parce que ça reste la même musique et que les mecs sont pas dans la provocation. Tu vois un provocateur quand t'as 14 ans, t'es impressionné par le truc. Et là, tu dis, t'as grandi, t'as vieilli, tu dis, mais en fait, t'es ridicule, mec. C'est tout. Incroyable, quoi. Enfin, ouais, non, mais tout à fait. C'est juste ça. La différence, elle est là. Mmh. Et que le mec, si le mec avait évolué justement en une espèce de dandy qui gérait autrement les choses, ça pourrait passer. Il aurait juste changé son personnage. Mais non, là, il fallait qu'il se roule par terre, il fallait qu'il en fasse des caisses et tout. Et... Bah, tu vois, je pensais que ce serait ça, même si c'était pas terrible. Tu vois, au niveau... Moi, je pensais que ce serait pas terrible au niveau de la voix et de l'attitude, mais pas à ce point-là. Vraiment, non, mais ça n'a jamais été ça nous, qu'on a eu comme problème. La dernière fois, il s'est barré vraiment, limite, en nous traitant de connards. Donc, c'était un peu. D'accord. Et moi, j'ai et Bob eu le même problème quand j'ai été voir Bézu. Et tu vois, le mec était dans la provoque quand j'avais 9 ans, 10 ans. Quoi. Ouais. Et là, du coup, c'est vrai que j'ai été. À la queue leu-leu, à la queue leu-leu. Ah puis, non, j'ai été déçu. Hein. Bon, après, voilà, c'est les mecs qui vieillissent, quoi. C'est ça. Non, mais il faut juste qu'il arrête. Hein, mais bon, tu regardes, par exemple, là, il fait une tournée avec Rob Zombie. Oh, Rob Zombie, comment il va se faire valoriser. On l'a vu trois fois. C'est juste... Bon, les trois premiers morceaux, il en chie. Mais derrière, rappelle-toi l'année dernière ce qu'il nous avait fait, quoi. Le mec, il dansait sur les machins. La différence, c'est que c'est pas un provocateur. Pêche, non, c'est ça. Vrai. Donc, tu n'as pas de changement entre un pro. C'est le côté provocation. Oui, enfin, il faudrait qu'il mette un petit peu d'eau dans son vin, le père Manson. Mais c'est ça, mais c'est ce que je suis en train de dire, moi. Cite-moi un provocateur qui a commencé, qui est resté provocateur toute sa vie et qui n'a pas du tout bougé. Professeur Choron. Qui c'est qui a été provocateur comme mais, ça mais oui, mais. C'est pas le même genre de provocation. Puis non. Il a commencé tard en plus. Enfin, on Alice l'a Cooper, plus connu non, tard. Non, même pas. Non, c'est pas des provocateurs ce mec-là. Provocateur. Bah, des on faux pas provocateurs. Bowie, non, pas provocateur, non, il a jamais été scénique, provocateur. Mais... Oui, mais c'est des gens qui ont après arrêté, qui ont évolué. Ouais, qui se sont. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Après, bon, bah, dites-nous en commentaire s'il y a un provocateur. Bah qu'on oui, voilà. Parce qu'on va pas rester non plus 3 heures à parler de lui. Enfin, bref. Ouais, non, c'est clair. C'était une super édition. On a passé de super moments. On a vraiment kiffé être là-bas. Vraiment, peut-être même, on a peut-être même un peu trop kiffé par moment. Ouais. Parce que, moi, je trouve que le jeu du gobelet, ouais, c'était un grand moment pour moi. C'est vrai. Oh, bah. C'est le caché number sous one. Le coussin, non, c'est bon, sans engueuler, il est parti. Non, je te crois pas, machin. Eh, hey, coucou, hey, là, tout le monde. Un orc, un orc. Du coup, alors, on n'a pas encore forcément de plan pour la suite. Voilà. Donc, ça va revenir assez vite en même temps, je pense. Oui, puis vous savez, on va attendre que vous nous demandiez de revenir un peu. Quoi. On va voilà, c'est ça. Peu... Ça va être que à vous nous acclamiez. Voilà, ça va être à vous de faire monter la sauce. Hein. C'est bon, pas toujours que ça vienne de nous. Hein. Bob. Et un peu Jacques. Ouais, et un peu Jacques. Parce que de toute manière, s'il n'y a pas de news au début, bah, ah, par contre, on est tous d'accord, hein, devant témoin, c'est Bob qui va s'occuper de chroniquer ma sisteria et de tout écouter. Bien entendu. Bien entendu. Ouais. Bien entendu. Fou, il y a... C'est pas... Ça va être super. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour arrêter cet épisode. Tu trouves, toi? Ça fait 2h07. Ouais, bah, c'est pas mal. Et parcimonie, qui fait quoi déjà? On pousse jusqu'à 10. Ouais, d'accord, donc faut meubler. Bah, on a qu'à dire au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Voilà. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde. On fait des gros bisous à Joe. Ouais. Notre frère de métal. Ouais. Des gros bisous à Steph, notre sœur de métal. Et puis range, hein, Joe, si c'est le bordel. Bah oui, range un peu, ouais. Puis couche-toi, si c'est du matin. Bah ouais. Une grosse bise à Nico, et désolé de t'avoir raté maintenant. Bah ouais, Nico. Hésite pas, hein, pour faire un espèce de spin. On pourrait faire un spin-off, non, un crossover. Road to Hellfest, l'entrepode, un mélange des deux mondes. Ouais, carrément. Ça, blah, on fait un échange en direct, on fait un truc. Julien, au prochain concert sur Rouen, par exemple. Prochain concert sur Rouen, où on va, sinon ça sert à rien. En fait, bah oui, non, mais je veux dire, on va pas non plus aller voir Annie Cordy, quoi. Non, s'il y a un concert métal sur Rouen, on peut s'organiser pour se faire un petit truc. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Bah, faut voir ça avec lui après maintenant. Bah voilà, c'est ça. Donc, Julien, on lance l'idée. Julien, continue, change rien. Like à mort. Les gens. Et nous. Ah oui, nous. Je prends like les gens, c'est pour ça. Qui c'est qu'on n'a pas cité d'autres? Laurent. Laurent, si tu écoutes, oui, exact. N'hésite pas. Steph, Stéphanie. Oui, t'as dit sœur ouais. De métal, j'ai dit. Non, mais je t'écoute pas, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Bah, je l'ai dit. Voilà. Chris, je sais que tu nous écoutes pas, donc salut. Maman, je sais que tu n'arriveras jamais à lancer l'épisode. Change rien. Et surtout, n'hésite pas, continue de bien t'habiller. C'est ce que je préfère chez toi. Changez pas de chapeau, surtout. Le chapeau, c'est la vie. Et puis, à tous ceux qui nous aiment bien, eh ben, on part en vacances. Hein. Simon, mais oui. Qui ne m'a pas répondu non plus. Simon mais Grumeau. On fera passer les trucs sur la page si jamais il y a besoin. Voilà. Donc on va mettre le podcast en pause un petit peu, hein, parce qu'on a fait quand même 30 épisodes, ce qui était pas mal. Ouais. Et on reviendra à la rentrée ou dès qu'on voudra. Dès qu'on en a envie. Voilà. On va normalement se retrouver pour essayer de parler, de voir comment on va faire évoluer les choses, mais vous inquiétez pas, ça va évoluer dans le bon sens. Silence. Blanc. On leur dit qu'on a vendu le podcast et qu'on arrête. Voilà, c'est ça. Donc on a vendu le podcast à une... À une société roumaine. Voilà, c'est ça. Voilà, qui travaille au, bah, pas loin, hein, ils travaillent au feu, là, juste à côté. Ils n'ont pas dû comprendre ce qu'on faisait. Parce que... c'est pas grave. Voilà. Mon podcast, c'est faire les pavlis. Oh, c'est toi qui dis ça. Salaud. Bon, alors du coup, on vous aime. Et on vous emmerde. Et à la prochaine fois. Parce que la semaine prochaine, ça sert à rien. Bah non. Du coup, bah, à bientôt. Bon, on sait pas, ça se trouve, la semaine prochaine, ça nous piquera. On dirait, tiens, on va se faire un journal de bord numéro 2. Ah, ça, c'est possible, ça. Est-ce qu'on ferait pas des trucs comme ça? Je sais pas. On retrouve un nouveau concept. Voilà. C'est ça. Eh ben, très bien. Eh ben, parcimonie, tu dis pas au revoir, toi. Mais si, je l'ai dit. À qui? Ah bah, tout le monde. Ah bah, c'est rapide. Salut tout le monde. Ah, merci. Ah. Voilà. Et bisous à Mélusine aussi. clin d'œil. Allez, et surtout, n'hésitez pas, manger des récré au lait, c'est vachement bien. Le Mont Blanc, c'est bon. Ouais. Macumba, c'est aussi. Macumba. Parce que, non, mais le récré au lait, ce qui est bien, c'est que ça supporte la chaleur. Même en plein cagnard, ta gourde, elle reste fraîche. Alors, si toi aussi, t'aimes les saveurs chocolat, les saveurs vanille, les saveurs biscuit, les saveurs noisettes, les saveurs brownie. Tu as déjà tout sur toi ce qu'il te faut. Oublie la pomme pote, sauf si Mont Blanc fait aussi de la pomme pote. Mais sinon. N'hésite pas. Récréolé. T'as pas pris la voix qu'il faut. Tout à l'heure, t'avais fait une voix sur le test. Oui, t'avais fait une petite voix, ouais. Le récréolé. C'est. C'est dommage, c'est pas écrit. Oh non, désolé. Mais oui, mais j'ai pas de truc. Oh, et puis merde, allez, on s'arrête. Elle est plus sensuelle. Allez. Non, bah, elle est pas que. Plus violet. Ah, plus violet. Ah, plus violet. Récréolé. C'est plus violet, voilà, ça. Ça, c'est plus violet. Ça me plaît, ça. C'est bon, très bien. Bon, allez, on se casse, c'est bon. Ouais. C'est les vacances, on en a marre. Allez, hop. Bisous. Allez, hop, bisous, on éteint tout. Ouais, putain, la lumière, on se casse. Ouais. Voilà, ça c'est. Putain, truc de merde. Eh, c'est pas mal dans le noir. Ah, j'en ai plein le cul, moi. La prochaine fois, on le fera vraiment. Tu crois? Ouais. Oh. Ah. Ils sont cons, ces mecs. Hein? Oh, putain. De quoi? Oh, rien. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça? Ouais. Oui. Des fois, c'est pire. J'arrête d'enregistrer ou pas? je sais bien. T'es bien. Ouais. Mais continue. Bah, écoute, c'est le dernier. Après, tu peux le lâcher en même temps. J'ai pas besoin. Câlin, c'est... les gens. Allez. Oh, ah, câlin. Il y a une table au milieu. Il faut imaginer. Putain de hippie. Non, c'est con de hippie. Con de hippie, ouais. Bon, allez, on vous aime. Et on vous aime. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On vous aime. Et on vous emmerde. À bientôt.